C'est fou! 89. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On accueillera une nouvelle membre de l'équipage, Catherine Langeois et sa chronique Voyage. Et Alassania Kiwi est de retour et nous expliquera les cyclones. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce jeudi 21 septembre 2017 à 219 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou. Oui, oui, oui. On a inventé un nouveau système de communication interdépartementale. Oui. Ici à C'est fou. Ça s'appelle un trou dans la fenêtre. Oui, pour pouvoir mieux communiquer du corridor au studio. Je trouvais que c'était important de le faire. Oui, exactement. Donc, j'ai pété une tête de quelqu'un dans la porte, je pense, c'est ça? Écoute, je ne pourrais te dire qu'est-ce qui s'est passé, mais quelle surprise ce matin. Tania est tellement premier. Pour, je crois, la première fois depuis le début de la saison. La première fois depuis le début de la saison, oui, en effet. Quelle fut ton expérience en arrivant en studio? Plutôt traumatisante. Je suis arrivée devant une porte fracassée. On a une vitre dans la porte, il faut le dire. Non? Oui. On a une vitre pour qu'on puisse... Une vitre beaucoup trop haute. On voit absolument personne parce que tout le monde est trop petit pour la fenêtre, mais ouais. Okay. Exactement. Une vitre beaucoup trop haute et, tu sais, trempée dans le verre pour être sûr que c'est protecteur. Ouais. Une vitre épaisse. C'est ça. Bien, ce matin, elle est en 1000 morceaux. En fait, elle est en 1000 morceaux éclatés, mais la vitre n'est pas vraiment tombée par terre, à part pour quelques petites miettes. Et l'empreinte de la tête de la personne, probablement, ou d'un point, et comme est directement présente. Dans le coin. Même que je pense que, Tania, si tu peux te permettre de mettre ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis, serait quand même sympathique pour les auditeurs. C'est quelque chose à voir. Je pense que je vais faire ça de ce pas. Vous allez voir, c'est un peu... Ouais, et la porte était fermée quand t'es arrivé, donc t'as essayé de l'ouvrir et je crois que quelqu'un a défait les gonds probablement de la porte en frappant. Probablement. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est probablement une altercation qui a eu lieu entre deux personnes saoules. Si on se fie au fait qu'on est situé tout de suite à côté d'un bar. Et qu'on était mercredi soir. Pourtant, c'est drôle parce que j'étais ici hier soir jusqu'à 1h. Ah, OK. J'ai rien vu de tout ça. Mais c'est passé entre 1h et 7h du matin. C'est ça. Probablement que c'est arrivé pas mal plus tard. Là, mon talent d'enquêteur. Pendant que les gens étaient vraiment en état d'ébriété. Je vais vous avouer que j'ai juste pas porté attention à savoir qu'est-ce qui se passait dans le corridor. Mais là, c'est... C'est extrême. C'est extrême. Une vitre comme ça pour être fracassée par une personne. C'est fort. Que ce soit un point ou une tête, faut que tu sois très déterminé. J'espère qu'on n'a pas un décès à conscience ce matin. J'espère pas. On a peut-être quelqu'un à l'hôpital, par exemple, si vous nous entendez et que c'est votre tête qui est rentrée dans le corps. Peut-être qu'on a autant d'auditeurs dans les hôpitaux que dans les prisons. Peut-être. Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs en prison. Okay. Hein? On va voir. Peut-être. J'aimerais savoir, en fait, si la personne à qui la tête ou le poing appartient nous entend ce matin. Oui. Probablement pas à cette heure-ci, mais... Si la personne est toujours consciente, évidemment. C'est ça. Ce serait le fun de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a retrouvé tes cheveux, non? L'ADN est là. C'est on peut être coupable. Mais on s'arrange avec ça, nous autres. On te retrouve. CSI, UQTR. Donc, Tania, méchante belle histoire pour commencer l'émission. Ben oui, hein? Ben oui. Tantôt, j'ai dit qu'il restait 219 jours, il en reste 218, fait que ça va un petit peu mieux qu'on pensait tantôt. Je vais me corriger tout de suite. Là. C'est quand même, on avance dans la session tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, à l'émission, pendant les 3 prochaines heures, on a tellement de nouveaux stocks. On a des gens qui sont de retour et des gens qui font leur première apparition à la radio. Ouh, c'est excitant, oui, c'est ça. C'est très, très le fun. Donc, à 8 heures, le retour de la Sania Kui avec sa chronique sur la science. Elle parle aujourd'hui d'ouragan et de cyclone, de trucs comme Irma, Harvey, Maria. Tout ce qui se passe depuis ces derniers temps. Tout ce qui se passe, on va comprendre ça avec elle à 8h. Ensuite, à 8h30, une nouvelle dans l'équipe, Catherine Langlois, petite chronique voyage, elle qui travaille dans le domaine du voyage depuis quand même un petit moment, donc elle a pris la piqûre pour ça. Elle va nous en parler à 8h30. Ensuite de ça, on a un invité spécial à 9h qui va être avec nous pour parler du long week-end du cours. Alexandre Dosti va être avec nous. Alors qu'on va parler, bien sûr, de court-métrage avec lui. Sinon, il y a aussi, si tout va bien, on devrait pouvoir parler d'improvisation avec un autre invité spécial, mais on attend encore sa confirmation. Oh. Ça pourrait venir en courant d'émission. On va finir l'émission avec une grosse pointe à l'adresse. Quel cheveu, ça soupe ou dans la porte? Ou dans la porte. ADN. Détective privé. Une grosse pointe d'adresse à la fin de l'émission. Est-ce que j'ai un produit aujourd'hui? Je pense pas. Non. On est jeudi aujourd'hui? Oui. J'ai complètement oublié qu'on était jeudi. On va goûter du café de la Chasse-Galerie ce matin. Yeah. Juste pour vous. Est-ce qu'ils ont, je sais pas, une nouvelle pâtisserie, quelque chose? Oh, peut-être. On va demander. Et sinon, ta chronique s'en vient aussi, Tania Esgalante. Tania, qu'est-ce que tu nous prépares? Eh bien, on est jeudi, donc en temps normal, c'est pas mal la journée qui tourne autour de la bouffe pour nous. J'ai décidé de vous parler de nutrition ce matin. Je vais essayer de vous aider à mieux vous nourrir. Ah, génial! Et essayer de démystifier quelques trucs aussi. Une grosse émission aujourd'hui. Oui, une émission bien remplie. Assez énorme, basée pour durer, comme on appelle. Exactement. Dans la promo. On continue dans quelques instants notre émission. On la commence avec, si t'es prête, ta chronique? Oui, tout de suite? Non? Ben oui, je peux l'ouvrir. Ça paraît-tu qu'on se parle pas vraiment avant? Non, c'est ça. Je pensais qu'on allait en musique, Mathieu, c'est pour ça. Ah non, mais on s'en va en musique. OK. Ben oui. Mais au retour. Ben c'est ça. OK. Voir que je commencerais l'émission sans musique. Ben c'est ça, je me disais. Il y a quelque chose qui ne fit pas. Hey. C'est comme s'il y avait eu une fenêtre de fracassé. C'est ça. Non, c'est pour faire de l'aération. On trouvait qu'il faisait chaud. Ben tu ris, hein, mais je suis arrivée devant, mais il y avait vraiment que de l'aération de la pièce du studio jusqu'à dehors. C'est tout ce que l'UQTR peut se permettre, en fait, comme système de climatisation qui fonctionne, c'est de péter des vitres. Très bien. Financièrement, c'est clair. C'est merveilleux. Un jour, l'entrée du pavillon avec les cubes sera prête. On dit au mois de novembre, tu sais. Ah, OK, ça sent bien. Quand je prends la bus, le nombre d'étudiants que j'ai entendu dire il aurait pas pu faire ça avant la session, avant que la session commence, ça a l'air de quoi les parents viennent avec leurs étudiants, enfants. Non, ben oui, ben, c'est ça. C'est on peut pas dire qu'ils ont tort, là. C'est beau. Du sable et du béton. Bref, assez pour les commentaires négatifs ce matin, hein? On y va avec Amor Blitz. Oui, on se remplit d'amour. Voici la transcendance. La transcendance d'abord Blitz à Assemblage Requis. Et maintenant, c'est Tania is gonna entertain. Yeah! Oh, la danse commence. Oh, et moi, le chant commence. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Pas habitué de chanter en début d'émission, hein? Non, c'est vrai. C'est rare, ma voix est pas rendue encore. On dirait que je suis déstabilisée ce matin. C'est ça, il est quand même 7h12. Ça fait longtemps, j'ai pas commencé tôt comme ça. Oui, ben on a beaucoup de stock aujourd'hui. Oui, en effet. Allons-y. Mathieu, je sais pas si quand t'étais plus jeune, ta mère te disait de vérifier les étiquettes de ce que tu mangeais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, le dos, la valeur nutritive. Date d'opération aussi. Exact, oui. c'est une chose bien importante. Oh. Mais pour bien manger, parfois, il faut savoir déchiffrer les étiquettes de nutrition. Puis je te dirais que c'est un petit peu compliqué parfois. Ouais, il faut un talent pour ça. Ben, on n'est pas trop sûr de ce qu'on regarde. Tu sais, si tu vas à l'épicerie, là, puis tu regardes la fille qui est dans le coin des biscuits, puis elle regarde le dos de sa boîte, es-tu vraiment sûr de ce qu'elle est en train de regarder? Des biscuits, achète-les pas, c'est pas pour la santé. Ah, ça dépend, c'est lesquels? Biscuits sucrés, ouais, j'aime. Parce que c'est justement l'étiquette derrière, les valeurs nutritives, l'étiquette nutritionnelle qui va nous dire qu'est-ce qui se trouve plus précisément à l'intérieur de notre produit. Qu'est-ce qui se trouve? Exactement. Et comment est-ce qu'on peut arriver à bien lire ces fameuses étiquettes nutritionnelles-là? Bien, d'abord, il faudrait vérifier la portion. Donc, est-ce que la portion indiquée correspond à la même portion du produit? Oui, parce que des fois, c'est comme, je sais pas, deux biscuits, puis t'en mangeras jamais deux à la fois. Ben, c'est ça. Avec, tu sais, il faut que ça soit la même portion avec laquelle on veut comparer ou la portion qu'on veut consommer. Donc, si oui, on peut continuer notre vérification. Ça part de la base, c'est ça qu'il faut vérifier en partant. Sinon, il faut penser à établir un ratio, soit de multiplier ou encore de diviser les chiffres par la proportion, par la portion qui va être indiquée et celle qu'on veut manger, surtout, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Donc, si ça dit deux biscuits, t'en manges 10, tu fais x5. Ben, c'est pas mal ça. C'est de même, ça marche. On n'a pas d'autre secret que celui-là. Par la suite, il faut vérifier les calories. Mais quand on dit vérifier les calories sur une étiquette nutritionnelle, parfois, ça peut être pas mal plus compliqué que juste dire « quoi? » Donc, en fait, les calories qui sont représentées sur votre étiquette nutritionnelle, ça représente l'énergie qui va être ingérée et qui va permettre de calculer la portion qu'on doit manger de l'aliment en fonction de nos besoins. Là, quand je dis nos besoins, je parle de vos besoins énergétiques. Oui. OK? Il ne faut pas s'arrêter là parce que, bien entendu, si les 100 calories d'une banane, ça ne va pas équivaloir les 100 calories d'une crème glacée. C'est ça. T'as combien de calories dans un kilo de riz? Exactement. Comme l'exercice d'addiction fictif existe. Est-ce qu'une calorie d'une banane vaut plus qu'une calorie d'une crème glacée? Mm-hmm. C'est sûr, c'est plus nutritif. Donc, par la suite, il faut vérifier le pourcentage de la valeur quotidienne. On se dit souvent, c'est quoi ça, la valeur quotidienne? C'est assez compliqué. Surtout lorsque on essaie de faire ça vite à l'épicerie, là, puis t'essaies de voir si ce que tu vas acheter va vraiment être bon pour le reste de ta semaine. Est-ce que c'est pour la personne moyenne? Bien, en fait, il faut. C'est quand même assez important de comprendre que ça représente le pourcentage par rapport à ce qui est recommandé de consommer dans une journée basée sur une diète de 2000 calories. Donc, peu importe le produit que vous allez utiliser, que vous allez chercher sur l'étiquette nutritionnelle, tout devrait être basé sur une diète de 2000 calories par jour. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de 2000 calories par jour. Non, en effet, mais c'est comme une moyenne de tout ce qui... C'est la diète dite normale d'une personne. Donc, c'est sur ce chiffre-là qu'on se base pour justement établir le pourcentage par rapport à ce qui est recommandé de consommer. Donc, si toi, tu as besoin de moins de calories, il va falloir que tu fasses un ratio de pourcentage dans le calcul d'un faux d'application, je pense. Oui, exactement. Donc, c'est pas le pourcentage de sucre, par exemple, que l'aliment va contenir. Le pourcentage de la valeur quotidienne, ce qu'on appelle souvent ou ce qu'on va voir souvent sur l'étiquette, c'est inscrit vécu. Mm-hmm. Bien, c'est calculé en fonction de l'apport quotidien qui est recommandé pour une personne dite adulte. Okay. Donc, 50 % de gras, ce serait 50 % du gras que tu pourrais manger dans ta journée dans une diète normale pour être correct. C'est ça. OK. Bien sûr, si vous commencez pas à faire le calcul pour savoir au pourcentage près que vous allez ingérer, le pourcentage de la valeur quotidienne, c'est plutôt pour donner une idée générale de l'aliment que vous allez acheter. Parce que les besoins différents selon l'âge, le sexe, on en parlait tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui a besoin d'une diète de 2000 calories. C'est justement cette espèce de pourcentage-là et ce calcul-là qu'il faut arriver à faire. Donc, la valeur de référence qui est utilisée par le pourcentage, c'est pas nécessairement la valeur pour le besoin d'un individu. Un individu donné, il faut faire attention. Alors, pour vous aider à faire des meilleurs choix, il y a une règle tout simple qui dit 5 % c'est peu et 15 % c'est beaucoup. OK. Donc, vous devez vous situer entre 5 et 15 %. C'est un petit peu sur quoi on vous dit de faire attention lorsqu'on parle de valeur quotidienne. Et en tout temps, bien de favoriser les aliments qui contiennent plus de vitamines et de minéraux, c'est quelque chose qui va améliorer votre santé en quelque sorte. Par la suite, il faut décortiquer l'information sur les fameuses lipides, glucides. Hey, ça, là. Ça, c'est quand même assez... je pense que c'est ce qu'on regarde le plus sur une étiquette de valeur nutritionnelle. Donc, il faut limiter la consommation des aliments qui contiennent des gras qui sont saturés, qui contiennent beaucoup de sodium, qui contiennent énormément de sucre. Et bien sûr, il faut éviter aussi les gras trans. Pendant longtemps, les lipides ont été démonisés. Mm-hmm. Donc, les industries... C'est le rock and roll et les bandes dessinées. Mais c'est ça, tu sais. Les industries se sont adaptées en créant des produits qui étaient allégés en gras. Mm-hmm. Par contre, ces produits-là ont très souvent une teneur plus élevée en sucre afin de préserver le goût du produit. Parce que c'est un petit peu ce qu'on va utiliser la plupart du temps pour avoir un goût qui va être plus punché. Donc, dans les produits qui sont allégés, on n'a pas nécessairement un meilleur taux pour la santé. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, il faut favoriser les produits qui contiennent des gras insaturés. Okay. Et mono-insaturés plutôt que des produits allégés qui, eux, sont élevés en sucre. Mm-hmm. Ça semble un petit peu compliqué pour 7h18 le matin. Mais la mode en ce moment est ce qui est zéro sucre. On dirait que là, c'est le sucre qui est démonisé. Exactement. Par exemple, en faisant le choix de votre yogourt, si vous préférez celui qui est allégé, portez tout de même une attention particulière à la quantité de sucre que votre yogourt pourrait contenir parce que c'est vraiment là que ça va se jouer. Mm. Et les yogourts nature qui sont allégés, qui sont habituellement très faible en sucre, quasiment nul, bien, c'est ceux qu'il faudrait peut-être prioriser dans notre épicerie. Aussi, il faut jeter un œil aux informations qui se trouvent dans la catégorie glucides. Mmh. Cette fameuse petite autre catégorie qui nous fait pousser le poil ses bras un petit peu. Celle qu'on ne regarde pas dans une grosse pointe d'adresse. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas savoir. Oui, t'as bien raison. Donc, la catégorie glucides, ça contient quelques sous-éléments, tels les fibres et les sucres. Donc, si, par exemple, il y a 24 grammes de glucides, 1 gramme de fibres et 2 grammes de sucre, il faut comprendre que le 24 grammes de glucides comprend le nombre de fibres et de sucre. Par contre, il faut porter attention aux 2 grammes de sucre que le produit doit contenir parce que ça peut être des sucres dits libres. Ça veut dire que c'est pas des sucres qui vont devenir énergisants pour vous. Ça va être des sucres un petit peu comme on peut retrouver, par exemple, dans le chocolat. Là. Mm-hmm. C'est des sucres qu'on appelle pas tant importants. nos auditeurs en prison aiment bien ça, le sucre libre. Oui, ils ont l'impression de vivre une liberté par procuration. C'est ça, exactement. Donc, un petit truc pour savoir si ce sont des sucres libres qu'on retrouve dans vos glucides sur votre étiquette, il suffit d'aller lire la liste des ingrédients. Et n'oubliez pas aussi de favoriser les aliments qui contiennent beaucoup plus de fibres parce que c'est comme ça que ça va devenir beaucoup plus nutritif. Régularisant. Ah. Et régularisant aussi, ça dépend ce que vous avez besoin. Et les sucres libres, bien, ce sont des sucres qui sont ajoutés dans les aliments qui sont transformés. Et les sucres présents naturellement, par exemple, dans le miel, les sirops, les jus de fruits, le concentré de fruits, si jamais vous voulez plus d'informations sur le sucre libre, faites-vous une petite recherche Google. Mm-hmm. Vous allez voir, c'est super facile à trouver et à vous informer. Il faut aussi, bien évidemment, lorsqu'on regarde l'étiquette de valeur nutritionnelle sur un produit, c'est de consulter la liste des ingrédients. C'est un petit peu... c'est dans les derniers points qu'il faut absolument regarder. Il y a des gros mots là-dedans. Oui, exactement. En fait, les jurons, aussi. Lorsqu'on analyse, oui, un produit, c'est important de lire la liste d'ingrédients parce que ça fournit tout autant d'informations sur le produit que la valeur nutritionnelle. En fait, il y a une tendance où on aime dire que la mode du sang, tu sais là, sans gluten, ouais, sans sel, sans gras, sans sucre ajouté, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Bien, pour enlever ces ingrédients-là, il faut souvent les remplacer par autre chose. C'est pas nécessairement toujours plus sain, donc c'est là qu'il faut faire attention et c'est à ce moment-là qu'il faut aller lire la liste des ingrédients. C'est pourquoi la liste des ingrédients, c'est si important, parce qu'on veut s'assurer de faire des bons choix alimentaires et c'est ça aussi qui va peser dans la balance pour une meilleure santé. Donc, ce qu'il faut retenir sur les lipides et les sucres, bien en fait, c'est de favoriser les lipides insaturés et mono-insaturés. Il faut limiter les trans, donc limiter les sucres libres. Et il y a 4 aspects à prendre en considération aussi lorsqu'on lit la liste des ingrédients. C'est la longueur. Idéalement, on veut avoir une liste d'ingrédients la plus courte possible. C'est sûr que là, si ça dit farine, eau, sucre, c'est court, mais il y a quand même beaucoup de sucre, tu sais, prenez ça en considération. La quantité des ingrédients aussi. Donc, la liste indique tous les aliments qui vont être contenus en ordre décroissant de poids. Donc, du de plus poids, élevé d'accord. vers le moins élevé. Ça veut pas dire qu'il y en a plus, mais plus lourd. C'est ça. OK. Ça veut dire que si, par exemple, votre premier ingrédient sur la liste des ingrédients, c'est le sucre, change de produit. on va favoriser en fait un produit dont les ingrédients sont beaucoup plus sains en début de liste qu'ils ne le sont en fin de liste d'ingrédients. Sachez-le. Donc, le sucre, il y a plusieurs synonymes pour le sucre dans une liste d'ingrédients. Et c'est souvent là aussi qu'on va pas se tromper, mais qu'on va se perdre un petit peu. C'est qu'on connaît pas nécessairement tous les synonymes du sucre. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de décrire les pourcentages de valeur quotidienne, mais pas les pourcentages en termes de poids dans la liste d'ingrédients? Ça pourrait être écrit sucre 74%. Pourquoi c'est pas obligé? C'est plate. J'en ai aucune idée de la raison du pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être parce que ça n'a pas été demandé, ça n'a pas été formalisé. Mais il y a un des ingrédients les plus utilisés qui est bien évidemment le sucre dans pas mal tout ce qu'on mange. Et c'est un produit qui serait dans les 3 premiers ingrédients qui serait à limiter dans les produits que vous allez acheter. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire attention aux synonymes du sucre, parce que si on les additionne tous, ces fameux petits synonymes, ça pourrait donner une grande quantité de sucre et résulter aussi, au final, comme si le sucre était dans les 3 premiers ingrédients. Donc, je vais vous donner quelques idées de ce que pourrait être remplacé par le sucre dans la liste des ingrédients. Le sucre blanc, le sucre de canne, le sucre de betterave, c'est quelque chose qui est un synonyme. Cassonade, sirop d'agave, sirop d'érable. Quand on parle d'extrait de malt d'orge, c'est un synonyme du sucre, sachez-le. Fructose, glucose, glucose-fructose, c'est en fait du sirop de maïs à teneur très élevée en fructose. On a aussi la saccharose, la dextrose et du jus de fruits concentré. Donc, tous ces synonymes-là, ce sont le genre de synonymes qui va se retrouver dans une liste d'ingrédients qui pourrait vous donner une bonne idée que s'ils sont dans les 3 premiers ingrédients ou très près l'un de l'autre, il y a une forte chance que votre quantité de sucre dans le produit soit extrêmement élevée. Donc, les ingrédients allergènes, c'est quelque chose aussi auquel il faut faire attention de plus en plus sur les produits qu'on va se procurer à l'épicerie. C'est obligatoire que les ingrédients allergènes soient déclarés, sachez-le. Donc, la déclaration peut se faire directement dans la liste d'ingrédients. C'est à ce moment-là que les allergènes vont devenir des gras. Autrement, la déclaration peut se faire aussi à part de la liste, donc directement sur la boîte du produit. Et ça serait écrit « contient » suivi de l'allergène. Donc, par exemple, contient des arachides. Ça va être inscrit. Si c'est pas inscrit, faites attention à aller voir la liste des ingrédients au cas où aussi, parce que parfois, ça peut ne pas être inscrit, mais il en contient pareil. Et des fois, donc, ça peut ne pas paraître du tout. Il peut y avoir des œufs et des noix dans tes affaires, puis c'est même pas... Tu t'aurais jamais imaginé ça, mais c'est le cas des fois. Exactement. Si on veut quelques trucs aussi pour manger un petit peu plus santé, sans même nécessairement s'en rendre compte, bien, tu sais, on le sait, là, l'été vient de terminer, on s'est affilé des barbecues à la tonne, on a mangé au resto tout le temps, on a eu des 5 à 7 à profusion. T'as eu une vie active, toi? Je parle pas de moi, là. C'est ça, on exclut la personne qui parle. Et soyons honnêtes, c'est pas mal plus facile de manger des frites, des chips, du chocolat, de la poutine, tout ça quand on n'a pas nécessairement l'envie de vouloir manger très, très santé. Donc, pour manger santé, ça ne veut pas nécessairement dire manger de la salade 2 fois par jour puis manger 4 amandes au déjeuner, sachez-le. Ça serait une petite vie plutôt platounet. Mais ce qu'il faut mettre en fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est de toujours avoir, pas nécessairement le temps, mais plutôt la motivation de faire quelque chose qui va nous amener vers un bon nous. un meilleur nous. Et c'est un nouveau nous. Un nouveau nous. C'est un petit peu ce qu'on veut, en fait, en faisant attention à notre santé. Donc, pour le déjeuner, c'est quoi la solution santé si on n'a pas nécessairement le temps de tout préparer le matin même? Si vous êtes comme moi, puis que vous vous levez, par exemple, à 5h20, ça vous tente pas nécessairement de vous préparer une petite toast au vin d'avocat avec un petit œuf par-dessus pendant une demi-heure et demie. J'aime ça, une demi-heure et demie. J'aime vraiment c'est ça. C'est merveilleux. Hein? Donc, en fait, ce que ça prend, c'est de vous préparer à l'avance. Si vous préparez votre déjeuner la veille, vous allez être sûr de deux choses. Vous allez prendre le temps de bien déjeuner et vous allez savoir ce que vous mangez parce que c'est vous-même qui allez avoir fait ce fameux repas-là. Donc, si vous aimez plus les smoothies le matin, c'est quelque chose que vous pouvez préparer la veille. Sachez-le, vous le gardez au réfrigérateur. Il y a aussi les boîtes de repas prêts à être cuisinées. Tu sais, là, tout ce qui est sorti un petit peu là, ces derniers temps, Cook It, Miss Fresh, Good Food, ce genre d'abonnement-là pour des repas qui sont prêts à cuisiner. Très cher. C'est cher, mais avec un rythme de vie qui est assez effréné où lorsque ça arrive souvent qu'on revienne du travail ou de l'école, on est épuisé, on est lâche honnêtement pour se faire à manger, bien c'est le genre d'idée qui pourrait être une bonne solution pour vous. On parle pas de tout le temps manger des boîtes prêtes à être cuisinées. Sachez-le, on vous parle d'être peut-être une petite porte de sortie dans votre semaine. Et la plupart du temps, bien, ce sont des abonnements à la semaine. Donc, à chaque semaine, ça va être livré sur votre bas de porte. C'est ça comme ça qu'on dit, oui. Sur votre pas de porte. Sur votre pas de porte. Et vous allez pouvoir justement avoir des repas simples, rapides, parfois économique. N'est pas sûr. Et varié. Bien, en tant que boîte prêt à manger de façon économique, sachez qu'il y en a un qui se démarque pour être justement économique et je parle de la boîte du chef. Si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour sur Internet, cherchez ça. Mais c'est un des plus économiques en termes de boîte prête à cuisiner au Québec. Donc, c'est le fun pour ça. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est qu'on pourrait faire nos propres condiments ou nos propres tartinades nous-mêmes pour avoir une meilleure santé. En fait, de faire ses propres sauces, de faire nos propres condiments, ça a beaucoup d'avantages. C'est plus économique, vous allez voir. C'est mieux pour la santé. Vous allez avoir aucun agent de conservation ni d'ingrédients cachés. C'est vous qui le faites. Donc, vous allez savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est bien meilleur. Honnêtement, si vous vous mettez à faire ça par vous-même, bien, vous allez justement pouvoir avoir un goût qui va être différent. Il y a des ingrédients qu'on a tous l'habitude d'acheter à l'épicerie, mais si on les fait à la maison, par exemple la mayonnaise, le pesto, les vinaigrettes, la sauce tomate, et ça peut aller jusqu'au beurre d'arachide, jusqu'à la confiture et aussi l'humus, bien pour des idées de recettes, honnêtement, consultez Internet, consultez Pinterest, vous allez en avoir une tonne et c'est très facile à faire. Je sais que parfois vous allez vous dire « ben non, moi puis le pouce pour pouvoir cuisiner, c'est deux choses », essayez-le. Avant de dire que vous ne pouvez pas le faire, je vais juste vous dire, essayez-le, vous allez voir, peut-être que ça va vous aider. Aussi, pour avoir un petit truc pour vous sentir un petit peu plus santé sans nécessairement vous en rendre compte dans votre vie au quotidien, bien en fait, c'est de planifier votre semaine à l'avance. Tu sais, vous avez peut-être déjà entendu parler des meal prep. Bien, avec les déjeuners préparés d'avance, les boîtes repas pour le souper que vous faites alterner, bien votre vie va être déjà énormément simplifiée et vous allez déjà avoir une meilleure alimentation. Mais pour le lunch, qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend de ce que vous aimez, mais ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de vraiment vous faire un planning de ce que vous voulez manger durant la semaine et soit le faire la veille, soit vous préparer une journée, là, par exemple le dimanche, où vous vous dites « Aujourd'hui, ça se passe, je fais ma popote. » Le ménage, le lavage, la popote. Exactement, pendant que la brosse de blanc est dans la laveuse, va me faire des petites patates douces. C'est comme ça que ça fonctionne, honnêtement. Il n'y a pas de recette secrète à pouvoir mieux manger, à manger plus sainement sans nécessairement s'en rendre compte. C'est vraiment comme ça que vous allez y arriver. Et cherchez sur Internet, que ce soit pour les recettes, que ce soit pour les trucs, vous allez voir, c'est merveilleux. Good! Et voilà. Trop compliqué pour moi, mais merci. Non, je continue à manger. Non, mais pour vrai, j'ai pas l'envie de me faire à manger correctement. C'est ça la différence. C'est ça. C'est pas la motivation. Exactement, c'est que tu le veux pas. Non. Mais y a pas personne qui va changer ton idée si tu le veux pas. Ah! Moi, je parle des gens qui le veulent. C'est ça. Ah, pauvre moi. Hein? Ah, c'est tellement pitié. Tu fais même pas pitié, Van. Tu fais même pas pitié. Merci, Tania. Fait plaisir. Notre chronique qui est remplie d'informations pertinentes dans Tania et Gunnar Tania. On prend une pause. Au retour, on va s'acheter des gadgets sur Internet dans 5 semaines, ça devrait répondre. Là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky en ce jeudi 21 septembre 2017 avec Tania Baudin et Mathieu Plante. On s'écoute une petite pièce avant de parler d'improvisation. Alors, on va parler d'improvision dans quelques instants, mais avant ça, écoutons Holy Data avec Bad Future. Tout de suite à Assemblage Rocky sur C'est Fou. Là, ça dit quelque chose, hein? Ça dit quelque chose, Tania, c'est très bon, Holy Data. Toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. C'est maintenant le moment de parler d'improvisation. On avait dit qu'on allait probablement parler d'improvisation. Oui, en effet. Tania. Donc, c'est maintenant qu'on va faire ça. Colin, on est tellement choyés de recevoir François Gagné, organisateur du spectacle Improvision, qui aura lieu ce soir même, le jeudi 21 septembre. Donc, bonjour à vous, bonjour à toi. Et bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ben, oui, c'est gentil. J'ai vu ton t-shirt de la Pléiade, c'est une ligue d'impro, ça. Hein? C'est un regroupement d'improvisateurs, un regroupement d'étoiles, plein de joueurs qui gravitent autour d'un noyau et qui font des spectacles depuis une vingtaine d'années. Ah, cool. Et t'es là-dedans? Oui, à l'origine, moi, j'étais à Montréal. Moi, je viens de Trois-Rivières. J'ai été à Montréal longtemps. J'ai étudié à l'École nationale de l'humour, en cinéma. Et j'ai fait de l'impro depuis une trentaine d'années. J'ai été directeur artistique de la Ligue d'improvisation montréalaise, la Limonade, qui est une ligue d'expérimentation. Et après ça, ce regroupement-là, sont des joueurs qui avaient envie d'aller plus loin que l'improvisation de bande gravelienne. Et qui voulaient s'éloigner de l'aspect compétitif de trophées, de médailles, d'étoiles, et de faire de l'improvisation pour le simple plaisir d'écrire. Est-ce que c'est ce que vous proposez à Improvision ce soir? Oui, moi, ça faisait, depuis que j'étais à Trois-Rivières, je faisais plus beaucoup d'impro. Je l'enseigne au secondaire. Je l'enseigne aussi pour l'Académie des Arts, qui est une nouvelle école de théâtre à Trois-Rivières. Ah oui, je savais pas. Oui, absolument. Ça fait 2 ans que ça existe. Amélie Morissette, qui avait fondé ça, qui donne des cours de chant, de danse, de théâtre, d'humour. Je travaille pour elle et j'ai donné les cours d'humour l'année passée. Et oui, j'ai aussi des cours d'improvisation. Et là, ce regroupement-là, là, il y a à peu près, je dirais, 7-8 ans, j'ai pas la date exacte, a créé ce concept-là qui est comme suit. Une série de spectacles dans une saison, une thématique générale pour chaque spectacle. En première partie, des courtes improvisations inspirées de ce thème-là. pour se réchauffer un petit peu. Et en deuxième partie, le gros moment de la soirée, une improvisation de 60 minutes avec costume, décor, musique, metteur en scène qui est moi, qui peut relancer l'impro si ça va pas bien, etc. Et la nouveauté dans ce concept-là que j'adore, c'est que plutôt que de voter le public pour dire c'est toi ou toi que je veux voter, qui va gagner, qui va aller en série et gagner un trophée. Là, le public peut voter, mais il vote à chaque fois pour nous dire s'il a aimé ça ou s'il a pas aimé ça. Il y a 2 cartons, un rouge, un vert. Vert, il a aimé ce qu'il vient de voir. Rouge, il a détesté. Alors là, il se passe absolument rien. Donc, l'orgueil du joueur, il en prend un méchant coup. Alors, c'est déjà arrivé dans le passé. On a fait au moins 100 de spectacles comme ça où est-ce qu'on avait des longues improvisations qui étaient tout le temps en rouge. Là, c'est bien. On est des bons joueurs expérimentés, mais c'est arrivé une fois ou deux. Ou après 60 minutes, le public dit « j'ai pas aimé ça ». Parce que dans 60 minutes, on s'entend qu'il y a des hauts et des bas. Là. Bien oui, définitivement. Et de dire que t'as pas aimé ça. Par contre, t'as beaucoup de temps pour improviser. T'as beaucoup de temps pour approfondir ton écriture, ton écoute, tu savoures chaque moment. C'est délicieux. On entend souvent ce mot-là en improvisation, le mot « écriture ». Ça veut pas dire que t'écris un texte, ça veut dire que tu inventes le texte au fur et à mesure, mais c'est comme de l'écriture. C'est juste qu'après de le mettre sur papier, c'est un art d'écriture spontanée. Oui. Moi-même, à l'école de l'humour, avec Luc Sonnet, j'avais un cours d'improvisation et tous mes numéros ont été créés dans son cours. On improvise avec différents stimuli. Et après ça, on se filmait, on enregistrait le tout, on réécrivait, on renforçait le texte. Et à chaque semaine, comme ça, moi, j'ai créé mes numéros. Alors oui, c'est un art d'écriture, d'écoute, de plaisir. Surtout d'écoute. On a souvent vu des improvisations tomber à plat parce que quelqu'un n'écoutait pas, puis on revire la situation de bord. Ça marche moins dans une improvisation théâtrale parce que j'imagine que tu veux créer quelque chose et j'imagine qu'il doit y avoir des joueurs qui sont plus du genre à construire une histoire. Absolument. Et d'autres qui sont plus à faire mettre des gags ou des références et qui construisent pas grand-chose. Absolument. Il y a des joueurs qui aiment ça arriver en deuxième pour venir s'amuser avec ce qui a été installé. C'est ça, faire des punches. Une fois, je me rappelle une anecdote à la LNI où Robert Gravel et Claude Laroche étaient en finale et Gravel, qui avait inventé le jeu, avait jamais gagné son propre trophée. Et il perd encore en finale, c'était à Télé-Québec contre Laroche. Et au mot du capitaine, il y avait Claude Gravel déçu, dit « Je vais revenir l'an prochain avec mon style d'improvisation, c'est-à-dire d'installer l'improvisation et de mettre la table. » Et Claude Laroche prend le micro et dit « Je suis content d'entendre que les Bleus vont revenir avec leur style, parce que nous, on va prendre tout ce que les Bleus font puis se faire du fun avec. » Là, c'est ça, exactement. Alors, c'est un peu ça. Ça démontrait des deux types. C'est un peu l'histoire du clown, le clown blanc, le clown rouge. Celui qui installe, celui qui fait rire. Moi, je suis un petit peu des deux. J'aime bien installer, écrire, camper des personnages qui sont sincères, véridiques et m'amuser aussi. À cabotiner à l'occasion, ça fait toujours du bien d'entendre le public rire. Mais oui, c'est définitivement. Ça. Exactement. Gravel et Laroche, en passant, c'était des pierres à feu, je pense aussi. Oui, absolument, t'as raison. C'est vrai. Granit aussi. Avec M. Miroc. Donc, est-ce que vous allez jouer ce soir? Bien, faire une histoire courte, moi, j'avais envie que ça revienne. J'appelle mes amis de Montréal, j'ai dit, ça vous tente dessus si j'organise des shows comme à l'époque à Trois-Rivières? Ouais. Et on dit oui. Et j'ai rencontré Sonia Héon, qui est propriétaire du cabaret Tapis Rouge au Cap sur la rue Boulard. Si on prend la rue Fusée, il y a un McDo sans faire de pub. Mm-hmm. Suite après, il y a un cabaret, c'est un ancien magasin d'hommes qu'elle a transformé en cabaret. Et ça ne pas confondre non plus avec le cinéma Tapis Rouge à Trois-Rivières. Non, c'est ça, l'agence Tapis Rouge à Montréal, qui était mon agence d'artiste. Mais... juste le Tapis Rouge, je suis de ne pas confondre avec votre Tapis Rouge. Sonia est elle-même une femme qui travaille en milieu scolaire, est une chanteuse. Elle a un groupe qui s'appelle Hors Contrôle et elle a ses enfants qui ont passé avec elle à un air de famille, ses enfants que j'ai enseignés au séminaire Saint-Joseph. Il y a des liens à faire, là, c'est incroyable. Absolument. Tout le monde se connaît, et Sonia a embarqué à pieds joints avec goût d'avoir une programmation plus variée et me prête sa salle gracieusement. Une magnifique salle, à peu près 200 places. Pardon. Elle offre des services de traiteurs, de souper-spectacle, de soirées drag queen, de soirées burlesques. Et là, il va y avoir de l'impro en plus. De l'impro, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que c'est avec alcool, est-ce qu'on va se faire servir quelque chose ou est-ce qu'on arrive là pour regarder un spectacle et c'est tout? Ouais, c'est ça. Il en coûte seulement... Pardonnez-moi, j'ai... Non, ça va. J'allais bâtir ma question de plus en plus longue. Exactement. Pour essayer de laisser... j'ai vu partir. Merci. C'est du patinage, vraiment. Oui, c'est ça, mais c'est merveilleux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, la petite toux du matin. Ouais, oui. Tout va bien. Donc, je demandais si dans la salle, ce soir, c'était match d'impro et alcool. Parce qu'on sait que ça aide les gens à mieux rire encore, d'habitude. Mais le coût d'entrée est très faible, 5$. OK. Mm-hmm. Ça permet de payer les photocopies, les posters, les affaires-là. Mm-hmm. Et oui, un service de bar. Bon, c'est ce qu'on voulait savoir. Absolument. Oui, un bar, alcool fort, bière importée, tout ce que vous voulez. Mm-hmm. 200 personnes, t'as dit? À peu près. Les thèmes que vous allez aborder gravitent autour de quoi? Est-ce que c'est vraiment très, très large ou on y va... Celui ce soir, moi, il me fait beaucoup rigoler. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est dans l'univers de Joe Dassin. Ouh, d'accord. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses chansons. Et là, les joueurs ont le thème un mois d'avance. Moi, je leur dis. Et là, ils ont un mois pour faire de la recherche, écouter son œuvre, s'inspirer de toutes ses chansons, sa biographie, peu importe. Ils n'ont aucune idée dans quelle direction moi je vais aller comme maître de jeu. Exactement. Et là, ils préparent, ils s'amènent des costumes, des accessoires, ils vont arriver ce soir, ils arrivent de Montréal. Parce que les premiers invités, c'est la Pléiade eux-mêmes, ceux qui ont créé le concept, viennent pour montrer à mes joueurs de Trois-Rivières qui vont participer à quoi ça ressemble. Alors là, les autres, ils s'en viennent ici. En première partie, inspirés de cette thématique-là, des courtes improvisations. Pardon. Ça verra pas son matin. Non, vraiment pas. Je sais pas ça. D'après, moi, je blâme la poussière en studio. Mais il y a de fortes chances. Je dirais que. Ou la vitre cassée. Ah, c'est un des deux. La poudre de verre. La poudre de verre, c'est ça. Bon, donc. Je disais donc que le thème ce soir, c'est dans l'univers de Joe Dassin. Ouais. Et là, les premières parties. En première partie, exemple, il y a une improvisation, ça va être avec réplique imposée. J'ai retiré des textes de Joe Dassin, certaines répliques. Ouais. Les joueurs vont l'avoir sur un petit papier. Le public va être au courant et il n'y aura pas le choix de la lire et d'en tenir compte. C'est le fun, ça. C'est le fun, j'aime ça. Il y a des improvisations inspirées d'une chanson de Joe Dassin. Les joueurs viennent sur scène, on fait jouer un extrait de chanson et là, quand ça arrête, ils partent sur une impro. En première partie, toutes sortes de petits jeux comme ça inspirés. Et en deuxième partie, une improvisation de 60 minutes. C'est ça. Sur ce thème-là. Et là, moi, en tant que maître de jeu, si jamais ça va pas bien, je peux les relancer, je peux les arrêter, je peux les repartir dans une direction, leur donner du jus. J'ai une petite clochette. Changer les... D'habitude, oui, mais là, j'en ai pas. Est-ce que tu vas faire... Ah, moi, ce que j'aimerais, je vais suggérer là, un thème. Fais-moi un dessin. Oh! Fais-moi un dassin. Fais-moi un dassin. On se comprend là-dessus. C'est drôle que tu dises ça parce que hier, je faisais mon pacing, on appelle ça comme ça. Rythme de la chose. Mes improvisations sont déjà décidées d'avance. Et je suis allé voir sur Google et j'ai fait Google Images Joe Dassin et j'ai trouvé des dessins qui ont rapport avec Joe Dassin. Alors, ce soir, il y aura improvisé, inspiré d'un dessin. Je vais leur montrer sur mon téléphone, je vais le montrer au public. Il va falloir qu'ils fassent une improvisation à partir de ça. Très fort. Comme ça fait que ça n'arrête pas. Et là, ce qui est le fun, c'est que le public, lui, il vote pas pour une équipe ou une autre. Oui, c'est ça. Il vote s'il aime ça ou non. Exactement. Et pour le match au complet ou juste la première partie après ça? Au complet. C'est déjà arrivé dans l'histoire qu'il y a 60 minutes, on s'est fait voter rouge, qu'il avait pas aimé. Ouais. Ça fait mal à l'orgueil. Ça doit. La première partie, elle dure combien de temps? Si mettons, on veut se gager sur la soirée, aller. C'est environ 6 à 7 improvisations. Okay. C'est une heure, puis une autre heure pour la deuxième partie. Classique. D'habitude, un match d'impro, c'est pas mal ça. Exactement. Tu disais que les gens sont en costume, donc ce sera pas la formule classique comme les gens sont habitués à la huître, à l'UQTR. Il y aura pas de jogging. Non, nous, on a voulu, avec ce concept-là, sortir de la compétition sportive. Mm-hmm. Alors, c'est juste pour s'amuser, juste pour l'écriture, le plaisir d'improviser. Et il y aura une série d'à peu près 8 spectacles cette année, le 19 octobre et le 10 novembre. Il y en a aussi, si jamais, il y aura des thématiques différentes. Environ une fois par mois, si je comprends bien. À peu bien. Près, exactement. Okay. Exactement. Okay. Et ça va être averti à l'avance sur une page Facebook, quelque chose pour que les gens puissent le savoir? Oui, ben là, pour l'instant, c'est ma page perso, François Gagné, vous trouvez ça. C'est marqué scénariste en dessous de mon nom. C'est bon ça. Fait que vous pouvez trouver facilement les informations là-dessus. Et sinon, le nom de l'événement, c'est Improvision. Vous pouvez aussi lui écrire par courriel. C'est comme ça que j'ai eu sur ces infos. Frank Gagné à hotmail.com. Absolument. Si ça vous intéresse. Alors, ça se passe le 21 septembre, c'est ce soir, jeudi, au Cabaret Tapis Rouge, au secteur Cap à Madeleine. C'est la première de ça. Comme tu l'as dit, il va y en avoir presque une dizaine. Oui, et les autres, ce ne sera pas des joueurs de Montréal, ce sera des joueurs trifluviens qui jouent à la lime, à la huître. Mm-hmm. Après ça, est-ce qu'on part en tournée? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres en absolument Québec? Absolument pas, c'est pas le temps. C'est maintenant. Maintenant ou jamais. C'est ça. Absolument. Ça se passe. Évidemment, à Trois-Rivières, non seulement vous avez ça, vous avez la lutte le lundi soir, la lime va recommencer les mardis soirs, en plus d'improvision qui va être les jeudis soirs. Oui, absolument. Juste tout le temps les jeudis. Absolument. Donc, votre semaine, si vous voulez de l'impro, il y en a pas mal tout le temps. Merci aux médias de nous couvrir. Ça va nous donner un petit coup de pouce pour avoir du monde. Ça fait absolument plaisir. Et tu reviens quand tu veux. On va reparler d'improvisation. C'est bien fun. Ben oui. Puis je veux entendre tes autres thèmes. Moi, de toute façon, on va me réentendre. Je vais avoir une petite émission qui s'en vient. bien ici même sur les ondes de C'est fou. T'es en train de... Tu me dis ça de même, là, pour moi? Oui, comme ça, là, on savait pas ça. C'est sur les ondes de C'est fou 89 FM. Absolument. Moi, j'ai fait de la radio longtemps dans l'Outaouais. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa. Il y avait une radio étudiante comme ici, CHUO. J'ai fait ça pendant longtemps. J'ai fait la description des matchs universitaires de hockey, même les Pats. J'ai découvert Croc Voisine qui jouait pour les GGs. Ben oui. Le numéro 14. Oui, absolument. Oui, c'était même un ami de mon coloc qui fait encore de la musique avec. Et là, on a parlé de rock, de gravel. Puis. On est dans Pierre aujourd'hui. Je pourrais vous parler des humoristes que je connais, parce que j'ai fait l'école de l'humour. Non, je suis pas là pour plugger des noms. Name dropper. Donc, ce nouveau projet d'émission Assez Fou, moi, j'en ai pas encore entendu parler. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles émissions. C'est tout récent. Ça doit être ça. Quel sort de projet? Vu que ça a été accepté, je me suis dit. Le nom de travail, ça s'appelle du 4e au 7e heure. Okay. Le 4e heure qui est la musique et le 7e qui est le cinéma. Ah. Moi, je veux faire une émission sur le cinéma, mais comme on est à la radio, c'est de la musique qui va avoir exclusivement un lien avec le cinéma, soit des bandes sonores. Visiter des auteurs de musique de films, des chansons qu'on retrouve dans les films et les chroniques tourneront autour du cinéma. Super intéressant, ça. Merveilleux. J'ai très hâte d'entendre ça. Absolument, sur nos ondes, Assez Fou cet automne. Et puis, on en reparlera de cette émission-là quand ça va commencer. Oui, pourquoi faut. Ça va faire plaisir. On devrait se croiser fréquemment si tu parles. Je vais retrouver ma voix radio. Ouais, oui, c'est ça. Voilà, on fait tirer des t-shirts Assez Fou. Ça, c'est rock. François Gagné, merci énormément. Merci à vous autres, vous êtes bien sympathiques. Merci beaucoup. Merci. On se quitte avec une pièce justement de Joe Dassin. Je me suis dit, bon, OK, je sais que t'aimes ça, je veux pas t'insulter en disant que des fois, il y a des pièces qui sont un petit peu brûlées par d'autres radios. On a essayé de trouver quelque chose, un petit terrain d'entente. C'est pas notre habitude et on va peut-être se le faire dire, mais on se permet de le jouer. Donc voici Joe Dassin et les Dalton tout de suite. Yeah. À Assemblage requis. Et merci encore. Ils avaient des limes en guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime, puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y avait personne. Les années passèrent, ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage, et ficelé le docteur qui faisait les vaccins, et puis contaminèrent les gens du voisinage, s'amusant à les mordre, bien accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagadin, tagadin, y a plus personne. Ils devinrent des hommes. Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tagadin, tagadin, voilà les Dalton. Tagadin, tagadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagadin, tagadin, y a plus personne. Et la justice payée. Comme tous les jours, leur tête augmentait de 20 centimes. Des centimes américains. Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. C'était encore plus bête que méchant. Tagadin, tagadin, voilà les Dalton. Tagadin, tagadin, voilà les Dalton. C'est vrai que c'est pas mauvais quand même. Tagadin, tagadin, y'a plus personne. Un classique de Joe Dassin avec les Dalton à Assemblage requis. Pour se laver les oreilles de ça. Mais on aimait Mathieu. Ça. Non, mais il faut remplir notre mission de jouer de la musique qui est moins connue que du Joe Dassin aussi. Donc, comme on a le temps. Mais personnellement, moi, je la connaissais pas celle-là. Ben non, pour vrai. Je sais pas la plus grande auditrice de Joe Dassin. Tes parents non plus, j'imagine. Non plus. On s'écoute Daniel Romano. Voici Roya. Royal, how I searched the holy vessel for your chamber. there are no shadows. Royal, I am only but the memory of my body. I was searching all directions when you caught me, laying breathless as I tried to scream your name anywhere the wind would blow. Daniel Romano avec Roya. Oui, c'est la pièce où il reste une minute à la fin, puis il y a comme des choses qu'on n'est pas trop sûr si on devrait. Oui, c'est vrai. C'est quoi, c'est Moyen-Oriental? Presque. J'ai goût de dire peut-être. Peut-être. Qui sait? Qui sait? Donc voilà, Daniel Roya sur le palmarès anglophone. Au retour de la pause, Mickey Rayon, c'est quelle heure? 8h, moins 5. Il rend du temps, pas mal. Oui. La prochaine chose qu'on va faire, c'est recevoir Alassania Kouyi dans quelques instants avec sa chronique scientifique. Bien hâte de son retour. Oh oui, restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. En ce jeudi 21 septembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Oh que oui, toujours avec une porte brisée. On est en train, pendant les chansons et les petits moments là, ce qu'on a d'explorer la porte dans laquelle on pense vraiment là, que c'est une tête qui a été enfoncée. Oui, pour ceux qui étaient pas, plus on analyse ça, plus on fait nos CSI. Ouais. Ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, il y a présentement un trou dans notre fenêtre de porte. Exactement. Et on pense que la forme est soit un point très haut ou une tête de grandeur à peu près normale, 5 pieds 10 à peu près. C'est ça. Mais considérant la force d'un point et la force d'impact que ça aurait, en tout cas, ce qu'on en pense, c'est que ça serait vraiment une tête. Peut-être. Vu l'ampleur que ça a faite autour. Ou sinon, quelqu'un qui aurait tassé sa tête et le point aurait frappé à peu près à la force qu'il pensait frapper sur une tête. Exactement. C'est dur à dire. Ouais, c'est vrai. C'est difficile à dire. Il va falloir voir. Les gardiens de sécurité, tantôt, il y en a un qui est venu, mais il nous a pas parlé parce qu'on était en train de parler nous aussi. Mais j'aimerais savoir sa théorie à lui, quelqu'un qui a peut-être plus de vécu que nous en termes de violence. En fait, j'aimerais ça savoir quel est le rapport qu'il y a eu hier soir par rapport à cette année. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de caméra directement devant la porte. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quoi qu'il y a, peut-être qu'il y en a une, je sais pas, là. Oh, je sais pas non plus. On veut pas inciter les gens à faire des crimes parce qu'il y a pas. Je sais pas s'il y en a une. Je sais pas. On m'a jamais dit ça. C'est vrai. Non. Tout à l'heure, dans quelques instants, si tout va bien, on devrait avoir Alassania Kouyi avec nous pour sa chronique scientifique. Mais avant ça, comme on a un petit quelques 5 minutes de libre environ, on va se clencher une petite liste dans son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. foutu palmarès, on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Cette fois-ci, ben, comme on est jeudi, on parle de bouffe, donc on parle de bacon. Mm-hmm. Ah oui, la popularité du bacon, c'est rien de nouveau. Et là, avec l'automne qui commence, je pense, je sais pas, mais il semble que les brunchs, ça se fait bien à l'automne. C'est vrai, hein? Ça va très bien avec l'automne. Alors que le bacon mérite d'être reconnu comme un ingrédient versatile. Hein? C'est pas juste du bacon qu'on se fait dans le poêle, ou peu importe. On commence avec un bacon burger à 100% bacon. D'accord. Donc, si tu penses qu'ajouter 2 ou 3 tranches de bacon sur un burger, c'est assez pour toi. Non. Le 100% bacon burger de chez Food Beast, c'est de la viande tranchée dans chaque composante, dont un pain fait avec des morceaux de bacon. Hein? Okay. Une boulette de bacon. Ouais. Un œuf frit avec une croûte de bacon. Mon Dieu. Sauce barbecue bacon. Hein? Ouais. Et ça, c'est du bacon en tabarnouche. Il faut au moins 5 livres de bacon en tranche. Il a là. Ensuite, bon, tout le monde connaît, je crois, le Bacon Explosion, l'addition parfaite avec n'importe quoi autour de... Aussitôt que tu mets du bacon autour de quelque chose, ça le rend meilleur. Donc, le Bacon Explosion de Barbecue Addicts, c'est un tissage de bacon assaisonné autour de 2 livres de saucisses italiennes. Oh mon Dieu! Qu'on remplit de bacon frit et de sauce barbecue, 2 heures au four et, bien sûr, l'attaque cardiaque vient avec. Clairement, c'est sûr que ça vient avec. Ensuite, des petites patates tater tots enveloppées de bacon. Ah oui, les tater tot bombs. C'est quand même du travail, mais on dit que ça vaut la peine. Du fromage et du bacon enveloppés autour de chaque tater tot. Et ensuite, on passe ça au four jusqu'à la perfection. Et en dehors de 25 minutes, vous allez avoir les meilleurs petits amuse-gueules au monde. Les tater tots, c'est des petites patates cylindriques. Oui, là, je me souviens de ça. C'était pas McCain qui faisait ça quand on était jeunes, qui ont créé ça. Probablement. C'est comme les patates hachées, mais faites en cylindre. Là. Exactement ça. C'est adorable. C'est vraiment bon. Ensuite, beignes au bacon. Des beignes? Des beignets comme au bacon. Tim Hortons, mettons. Ouais, comme un beignet là, avec un trou dans le milieu. Oui, d'accord. Oui. Donc, ça ressemble, évidemment, bon, c'est pas un beigne littéralement, là, c'est juste que ça a la forme d'un anneau, là, comme un beigne. Donc, la recette utilise des bâtons de mozzarella, des ananas, des oignons, tout ça enveloppé ensemble dans du bacon. Ensuite, on fait griller ça jusqu'à ce que ce soit une très bonne collation qu'on sert avec de la sauce marinara. Ah! Non, ça a l'air bon, là. Ben, tu vois, je pensais que ça allait être sucré, moi. Ben, moi aussi, le sucré salé aurait pas mal fait effet sur moi aussi. Finalement, ensuite, cornet au bacon. Hein? Pour un dessert un petit peu plus viandeux, hein, on considère un petit peu de crème glacée dans un cornet fabriqué de bacon. Donc, c'est un tissage, un treillis de bacon autour d'un cône d'un cornet sucré ou sinon d'un moule fabriqué d'aluminium. Et après ça, on va passer ça au four pour que le design tienne sa forme, la forme de cornet en bacon. Donc, si tu as envie d'encore plus de bacon, tu remplis ton cornet avec de la crème glacée au bacon et à l'érable. Oh mon Dieu! Dans la vidéo, le gars qui fait le cône a comme une gigabarbe. Puis, il décide de manger le cône, mais avec la crème glacée dedans, il y en a plein dans la barbe. C'est vraiment dégoûtant, en fait. Regardez pas la vidéo. Okay. Il rajoute du bourbon dans la crème glacée. Oh, wow! Hey, tout pour gagner, hein. Ensuite, sandwich à la crème glacée au bacon. Oh, d'accord. Ah, ah, ah. Donc, c'est une grosse tranche, là, une grosse couche de crème glacée entre 2 galettes de bacon tissées, encore une fois, pour créer, encore une fois, quelque chose de sucré-salé. Et le secret est dans le treillis. Donc, quelque chose que tous les chefs devraient être capables de faire. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé ça au Super Bowl, entre autres un treillis de bacon. Apparemment, c'est bien, bien bon. Ooh. Ensuite, bacon glacé à la bière. Okay. Si t'aimes la bière et le bacon, tu peux les avoir les deux ensemble. C'est Pop Sugar qui nous montre comment mélanger du miel, du sirop d'érable et une lager très, très sombre. Une bière, donc, pour créer un glaçage épais. Ensuite, un petit peu de moutarde pour ajouter un équilibre, pour éviter que ce soit complètement sucré. Et on dit que c'est le désavantage là-dedans, c'est que tu vas sentir le bacon pendant au moins 45 minutes. C'est sûr! Ensuite, lasagne enveloppée dans du bacon. Ouh, de la viande dans la lasagne, c'est bien bon. On pourrait acheter du bacon, bien sûr, normalement, dans de la lasagne. Il y en a qui le font. Là, mais tu sais, à un moment donné, tu te tannes pas du bacon. Hey. Défais pas ma liste, là. Ok, je suis désolée. Non, mais tu peux te tanner du bacon, mais une chose à la fois, t'es pas obligé de faire le top 14 au complet. Ouais, non, c'est sûr. Quand même, à chaque jour. À chaque jour, une par jour. C'est ça. Deux fois chaque recette par mois, il n'y a aucun problème. Oh mon Dieu. Donc, t'enveloppes tes restants de lasagne avec du bacon, que ce soit donc de la lasagne froide ou de la lasagne bien, bien serrée. Et ensuite, on va faire frire ce bloc-là pour avoir de la nourriture réconfortante pour même les pires journées. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, on continue la liste des situations extrêmes et délicieuses du bacon avec des biscuits aux oignons et au bacon. Ugh. Combinaison d'ingrédients qu'on ne s'attendait pas à voir. Non, ça, je suis vraiment pas certaine. Donc, c'est des morceaux de bacon, en copeaux de bacon, ouais, si on veut. Tout ça mis dans une pâte sans gluten et on ajoute de la poudre d'oignon et du sel de mer pour ajouter à la saveur. Donc, c'est un mélange de textures. C'est un biscuit salé. C'est un biscuit salé avec des morceaux de bacon. C'est particulier. Il y a quelqu'un qui dit que tu peux y ajouter du beurre de peanut. Tu pourrais y ajouter, mais probablement que ça rajouterait encore un petit peu plus de saveur sucrée. C'est mon moins préféré à date. Ouais, je pense, moi aussi, je pense que ça me lève le cœur un petit peu. Ensuite, de la confiture au bacon. Ah! Ouais, tu peux avoir du bacon au... Ça se fait, ça? Ben oui, tu peux en avoir au déjeuner du bacon, peut-être plus au brunch qu'au déjeuner, mais maintenant, tu peux mettre du bacon sur ton ta tranche de pain. Oh boy! Pour améliorer ton bagel de base, c'est une recette de The Kitchen. Donc, ça demande 1 livre de bacon, des oignons et du sirop d'érable, et on peut créer donc ce condiment-là qui est complètement différent de tout ce que vous connaissez. C'est versatile, nous dit-on. Ça peut être utilisé toute la journée comme tartinade, ou même pour le dîner, ou même pour le souper, avec des petits pains. Ouais, OK, peut-être. Peut-être. Ensuite, Beer Can Bacon Burgers. Donc, des burgers au bacon canette de bière. Donc, on a besoin de bacon, de bière et d'un grill pour créer ces hamburgers-là. C'est une recette de Barbecue Pit Boys, un groupe YouTube d'experts en barbecue qui a créé ce plat extrême mettant en vedette des boulettes de 3/4 livre. Oh my God! Enveloppées dans du bacon. La bière, elle, la canette de bière est pour mouler les boulettes. 3/4 livre? Ouais, pour pouvoir les remplir ensuite de légumes et de fromage. Bien sûr, peut-être plus de bacon encore. Je suis en train de regarder la recette sur YouTube. Elle est intrigante, celle-là, pas bien. Ouais. Ensuite, bâton de mozzarella frit au bacon. Mais oui, c'est sûr. Ah oui. Ça allait venir à un moment donné. Donc, à la place de prendre vos bâtons de mozzarella et de les garnir d'un petit... comment t'appelles ça? Les petits les morceaux de pain, là, la croûte autour, là. Comment t'appelles ça? Bref, on les enrobe dans du bacon à la place. La chapelure, exactement. Merci. Donc, pour ces petits amuse-gueules, on va simplement envelopper du bacon en tranches autour de bâtons de mozzarella. Ensuite, on va faire frire ça dans la friteuse jusqu'à la perfection croustillante. On dit de serrer le bacon très, très serré et de sécuriser ça avec un cure-dent pour éviter de faire un gros dégât de fromage, étant donné que le bacon va se défaire dans la friteuse. Le cas échéant. Il nous en reste 2 coquilles de tacos au bacon. Okay. Ah oui, si vous êtes maintenant rendu maître du treillis dont on parlait tantôt, treillis de bacon, c'est le moment d'aller encore plus loin que ça. Donc, du bacon qu'on va tisser ou faire un treillis. Ensuite, on va le couper en cercle. OK. Et on va mettre ça sur des brochettes de shish kebab pour faire une forme de taco. Donc, pour le faire tenir en forme de taco, on va mettre le petit bâton pour le faire tenir debout, pour le faire tenir en forme de taco. Bon, ça prend un petit peu plus de temps que ce que ça devrait. Sinon, vous pouvez toujours acheter des trucs d'infopublicité à TV, là, tu sais, là. Les moules à muffins, moules à taco, bon, ça pourrait être ça. Ça va aller mieux. Et à l'intérieur, on ajoute du macaroni au fromage, peut-être, pour faire un repas... Excellent. Sinon, rempli de crème glacée et garni d'un petit coulis de chocolat pour faire un choco-taco. Mm-hmm. Malade. Et pour terminer cette liste, des pommes caramel enveloppées de bacon. Oh boy! Oui, combinez votre amour de petite foire d'exposition, Expo Trois-Rivières, peu importe. C'est vrai, il y avait tout le temps ça, hein, des foires. C'est bon, temps. Ça fait mal aux dents, mais c'est bon. Ah, c'est tellement horrible manger ça. T'en as tout le tour de la bouche, en plus. Tu sais, j'ai pas mangé ça depuis l'enfance. Ouais, moi avec, là, c'est... Ben non, oui, je peux plus manger de pommes. Fait que... Ah, t'as raison, t'es allergique, hein, pour toi. Bref, c'est ça, c'est des bombes bacon, pommes, caramel et bourbon. Qu'on appelle, oui, un petit peu de bourbon et de bacon à l'intérieur de ça. La pomme est enveloppée de bacon, ensuite fumée ou grillée avant d'être remplie, tartinée ou badigeonnée, tiens, de sauce bourbon caramel fait maison. Et vous pouvez manger ça. Pour vrai, l'automne, là, serait parfait. Oui, ouais, c'est vrai, ça. Voilà. Pendant que tu vas aux pommes, avec ta pomme. Avec ta pomme. Trempée dans le bacon. Et t'attendre moitié de pomme. C'est ça, t'attendre moitié de pomme, c'est quétaine. C'est vraiment quétaine. Bref, voilà pour son foutu palmarès. On se fait une petite liste comme ça pendant qu'on avait le temps. Dans quelques instants, quelques secondes à peine, on parle de 2 minutes 46. Ce sera Alassania Couillé, sa chronique sur les cyclones. J'imagine qu'on va sûrement toucher aux ouragans ou les tempêtes tropicales et autres trucs comme ça avec peut-être. Elle. Mais avant ça, on va se soulager de tout ça, de toutes ces douleurs, avec Faith Healer et Waiting tout de suite à Assemblage Rookie. Ah, oh, justement, tiens, on entend. Ah, oh, la belle. Ça n'a pas été long. Mais non. Assemblage Rookie. Elle se fait jamais attendre. Non. There's a Taylor. Et Waiting. Assemblage requis. Ils nous ont mis en attente. Bye. Oh, bye. Mathieu, j'ai regardé les instructions de la fameuse recette des gars de Barbecue Pit Boys. Ouais. C'est très redneck. Pour vrai, là? Très, très redneck. Raconte-nous qu'est-ce qu'il y a de redneck là-dedans. Bien, ce sont des motards qui font des vidéos barbecue. Sur leur... comment t'appelles ça? Sur le moteur de leur char? Non, ça, c'est redneck. Non, dans une cour qui semble être comme l'arrière d'une cour d'une maison de quelqu'un. Wow. Fait qu'entre un arbre puis des déchets. Entre l'arbre et l'écorce. Et ben, voilà. On accueille Alassania Couillé qui est avec nous. Bonjour Alassania. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Caroline, resplendissante. Oui. Pour une nouvelle année. Dans quelques... En fait, on voulait, avant de commencer ta chronique, on voulait parler de nos anecdotes d'autobus. Oui. T'as pris la mauvaise bus. Oui, ce matin. Comment t'as fait? Il y a une ligne que je prends, puis ça me prend 10 minutes pour venir à l'université. Puis comme une nounoune, j'ai pris la ligne qui va me prendre 30 minutes. C'est ridicule. J'ai failli faire la même chose l'autre fois. Moi, le matin, je prends l'autobus 2 vers le centre-ville. Ouais. Et après ça, quand j'arrive au centre-ville, je prends. Il y a comme du même bord de la bus, deux autobus, la 11 et la 3. La 3 arrive tout le temps en premier. Fait que je rentre automatiquement dedans. Mais oui, c'est sûr. Mais hier, la 11 était là en premier. Oh. Je suis entré dedans, là. Je suis entré dedans, j'ai monté ma bus. Réalisé? Je me suis dit, attends un peu, est-ce que j'ai fait ça automatiquement sans réfléchir? Fait que je suis sorti de la bus, j'ai vu 11, j'ai dit au chauffeur, ouais, je voulais prendre la 3 finalement. Mais j'ai vraiment failli. Et là, ça m'aurait amené au Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Oui, je sais. Et pour revenir, c'est probablement une heure et quart. Non, t'aurais pu prendre la 22, ça prend 10 minutes l'express. T'as raison, il y a des express. Mais je pense qu'en les voisins, je te montrerai des lignes d'autobus qui prennent moins de temps. J'en ai besoin, mais pour vrai, pour le matin, étant donné qu'on commence l'émission à 7h, j'ai vu deux autobus. Soit je prends la 2 de l'autre côté de la rue qui m'amène au Normandin, il faut que je marche 10 minutes jusqu'à l'UQTR, ou bien je prends la 2 de l'autre bord qui part à 6h30, qui m'amène au centre-ville, je saute dans la 3 puis j'arrive ici à 7h juste, moins 3. Ou tu vas au stationnement alternatif et tu prends la 23. Non, mais ça, il faudrait que je marche 10 minutes encore. Difficile! Mais je pourrais, j'avoue. Ça te ferait une marche santé. Je vais y penser. Cet hiver, probablement, je vais y penser. Avec mes petits crampons sous les souliers pour pas me casser le bras une deuxième fois. Bref. Tu sais, pour dire qu'on a jasé de plein de choses, sauf de ton sujet dans ta chronique, ça tombe bien parce qu'on n'a pas encore commencé. Hein. Donc voici, est-ce qu'on appelle ça encore le bus magique? Ça va être bizarre. Oui, hein? Oui. Okay. Mais oui. J'aurais dû te demander avant. C'est le bus magique! Le bus magique avec Alassane Akouyi où on parle de science, de trucs qui touchent à ce domaine-là. Mais j'entends dire qu'au Zone Campus, t'as un petit peu changé de concept. Donc raconte-nous comment ta chronique radio va changer si elle change. Ça va toujours être de la vulgarisation scientifique, mais au lieu que ce soit axé seulement sur l'être humain et sur la médecine, ça va être axé à tout. Ça va toucher à tous les phénomènes scientifiques. Ouh, j'aime c'est ça! Cool. On adore ça pour vrai, la science. Oui. Toujours plus de science pour nous. Et on parlera du Zone Campus à la fin de la chronique. Pour l'instant, aujourd'hui, dans ta chronique, on parle de cyclones et de tout ce qui est phénomène météorologique destructeur de différents États américains. Genre. Oui, absolument. dernièrement, il aurait fallu juste quelques araignées géantes et quelques moustiques. On se serait demandé qui joue à Jumanji tellement... Ah, mon Dieu, oui! Hein. Tellement le phénomène était phénoménal. Ouh. Parce que c'est pas les Van Pelt qui manquent, vous savez, on peut en croiser à tous les coins de rue. Mais avant de parler de ça, j'aimerais apporter un update sur une chronique que j'avais eue. Je ne me rappelle plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière chronique. C'était à l'hiver, l'hiver. En tout cas. Oui, c'était à l'hiver. Celle de la transplantation de tête humaine. Vous savez? Ben, c'est ça. On se demande, en fait, si la tête de la personne reste la même, mais on y transplante un corps, ou est-ce que le corps reste la même, mais on y transplante la tête? On ne sait pas. Ben, la tête reste la même, puis on y transporte le corps. Mais le changement, c'est que le Russe qui était volontaire pour l'opération s'est désisté. Ah, ben non! Oui. Ah, mais là, on avait tout basé nos espoirs là-dessus pour faire avancer la science. Ben, dans le fond, Valérie Spiridonov, qui souffrait d'une affection neuromusculaire dégénérative, ça veut dire plus il avance dans l'âge, plus la maladie est chronique et difficile. Donc, il s'était porté volontaire pour la transplantation. Pour lui, il n'avait aucune chance de remarcher ou aucune chance de vivre une vie normale. Donc, il s'est dit, pourquoi pas? Mais là, il s'est désisté la semaine dernière. Oui, disant que le neurochirurgien ne pouvait pas lui garantir le fait qu'il pourrait remarcher. Mais oui, mais même... c'est sûr. Depuis le début qu'il savait. Exactement, ça, non? C'est ça les questions que tout le monde se pose, c'est que depuis le début, il n'y avait aucune garantie. Mais il n'y a rien de garantie dans le domaine médical. Puis surtout dans ce genre de je dirais, expérience, parce que c'est une expérience, il n'y a rien. Une première, il n'y a rien de garantie. Et c'était ça depuis le début. Mais lui, qui l'avait dit, le discours qui avait sorti, c'est faire pour la science, blablabla. Puis il dit, je sais que c'est méchant de le dire et c'est pas politiquement correct, je suis condamné anyway. Fait que qu'est-ce que je risque? C'est pour ça qu'il s'est lancé. Mais là, il dit, non, puisque j'ai pas de garantie de pouvoir marcher, là, il s'est rétracté. Il a dû parler beaucoup avec sa famille puis tout ça, là, je m'imagine. Mais là aussi, mais personnellement, moi, je soupçonne aussi le problème de financement, ça coûte quand même quelques dizaines de millions de dollars, puis qu'il fallait faire beaucoup de campagnes de financement pour ramasser l'argent. Bon, ben bref, on ne sait pas quelles sont les raisons particulières, mais on sait qu'il s'est désisté. Mais le neurochirurgien, avec sans dire, il a retrouvé une autre personne. Okay. Cette fois-ci, c'est un Chinois. Donc, l'opération va se passer en Chine. Pour vrai? Oui, puis ils vont faire la transplantation sur un patient chinois. Mais la tête, toujours, là, on parle encore de la même chirurgie. Parce que les autres membres, ça fonctionnait déjà, je pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est la même chirurgie. On prend une tête, puis qu'on transplante sur un corps. Lui, il va se désister ou... On ne sait pas. OK. C'est la nouvelle chirurgie plastique, ça. C'est ça. On va changer de tête. Mais toujours est-il, ça relève beaucoup, beaucoup de questions éthiques, beaucoup de questions psychologiques, sociales, puis tout le monde attend avec impatience les articles scientifiques qui ont été promis par le neurochirurgien. Puis jusqu'à maintenant, on n'a aucun article scientifique qui explique vraiment la méthode, comment va se passer. Il dit on n'a aucune preuve. Je sais peut-être que le neuroscientifique, il dit ça pour se rendre intéressant. Puis Il a pris sa licence dans une boîte de crack jack. Peut-être que c'est aucunement fiable, puis ça arrivera jamais. Peut-être. Mais le problème, c'est que c'est quand même un neurochirurgien fiable. Okay. C'est pas vraiment quelqu'un qui sort de out of nowhere, puis c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mais des fois, moi, je dis toujours, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Puis des fois, on peut juste vouloir défier la nature à tout prix. Mmh. On peut s'aventurer sur des sentiers. En tout cas, lui, il clame toujours qu'il a réussi ça sur des souris, mais on n'a pas de preuves scientifiques. Jusqu'à date, on n'a pas. Quand je dis preuves scientifiques, c'est des articles scientifiques qui sont publiés dans des journaux scientifiques de renommée pour que... Oui, puis après ça, c'est bien beau de transplanter puis que la personne reprenne conscience, mais est-ce que la personne va vivre longtemps avec cette nouvelle tête-là? Il y a plein d'autres questions. Exactement. Et puis, il y a aussi toute la composante psychologique et sociale. Mm-hmm. Le neurochirurgien, il dit qu'il s'est associé à des psychologues puis à des gens qui travaillent sur l'éthique pour pouvoir accompagner les patients, mais tant que ça n'a jamais été fait, on ne peut pas prédire comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a une marge entre la souris et l'humain? Est-ce qu'on pourrait l'essayer sur d'autres animaux qui seraient plus compatibles? Oh que oui! Il y a toujours une marge. Quand on appelle ça le saut de l'espèce. Quand on change d'espèce, il y a toujours une marge de différence. Oui, ça pourrait marcher sur la souris à 100%, mais le corps humain n'est pas le corps de la souris. Des fois, on essaie les cochons, je crois, il me semble. On peut essayer des chimpanzés parce qu'il y a comme une grande ressemblance anatomique et une ressemblance de l'ADN. Mm-hmm. Mais... si juste entre êtres humains, on ne réagit pas, le corps ne réagit pas toujours de la même manière. Non, c'est ça. Je vous laisse imaginer entre... Ce n'est pas parce que ça a marché sur une espèce que ça marcherait sur une autre. Ouais. Puis il y a toujours le fait que du moment qu'on fait une greffe, il y a un pourcentage de rejet de cette greffe-là. T'imagines si le rejet, c'est la tête? Il y a un petit pourcentage qui n'est pas de rejet. Le rejet est toujours là. C'est ça. Oui, comme je pourrais faire une chronique sur ça. Pourquoi est-ce qu'il y a du rejet? Parce qu'on a comme des empreintes ou des signatures sur nos cellules. Puis le corps est super intelligent. Puis il reconnaît tout ce qui ne lui appartient pas. On dit dans le jargon scientifique, il sait faire la définition entre le soi et le non-soi. Mm-hmm. C'est comme je vous apporterai au fur et à mesure des updates à chaque fois que c'est publié parce que c'est intéressant quand même. C'est quelque chose que personnellement je suis très très vraiment je suis ça au jour le jour parce que intrigué. Je pense qu'on a mille questions pour vrai. Tu sais, si mettons tu te vois dans le miroir puis t'es pas toi-même, est-ce qu'il peut faire une chirurgie pour te redonner comme l'apparence de ton ancienne tête? Mais en fait la tête va être transposé sur un corps. Oui. C'est ça qu'on a dit. C'est ça, c'est pas le corps qui va... Finalement, ta tête, c'est ta tête. Là. C'est ta vraie tête. C'est ton corps. C'est ça qui est mêlant. Ouais. Le donneur, c'est celui qui apporte le corps. Le corps. Puis le receveur, qui est volontaire, c'est celui qui apporte la tête. Mais donc, c'est vraiment un transplant de corps, c'est ça que je comprends. Exactement. On prend la tête sur un corps qui ne fonctionne pas pour la mettre sur un corps dont la tête ne fonctionne plus. C'est pour ça que je suis tout le temps mêlé. C'est ça. Donc, le rejet pourrait se faire au niveau du corps et non pas, au niveau de la tête. Ouais, exactement. C'est, ça. Le c'est rejet... la tête qui regarde. Exactement. Le corps. Parce que pour faire ce genre de don de corps, il faut avoir une mort cérébrale. Mm-hmm. Puis, une fois que ça se passe très, très, très rapidement, une fois que le cerveau est mort, oui. il y a un laps de temps où les organes sont encore vivants. Oui, exactement. Fait qu'on maintient tous les organes vivants artificiellement. Mais jusqu'à combien de temps tu peux maintenir un corps comme ça? Parce que là, lui, l'autre, il était prêt le corps, non? Oui. Oui, mais il est toujours prêt le corps tant que c'est maintenu, tant que c'est sur respirateur. Il y a des gens qui peuvent rester sur respirateur une année et ouais, plusieurs c'est ça. Mois. Fait que tant que c'est maintenu sur respirateur, il n'y a pas de problème. OK. Bon, on va suivre ça dans les prochaines années, exactement. Probablement. Hein? Ça veut dire qu'il faut absolument que tu restes pendant des années. Oui. T'as pas le choix. Donc, ton sujet principal aujourd'hui, on l'a dit tantôt, les cyclones. Oui, les cyclones. Yeah. Tout le monde avait vu ça dans les médias, que ce soit les médias numériques ou les journaux, mm-hmm. etc. Tout le monde en parlait. Il y avait beaucoup de cyclones dernièrement, les quatre dernières semaines. L'ouragan Harvey, là, celui oui, qui est Harvey, à votre Irma. Goût. Comment on l'appelle? Composé à votre goût. Le, oui. L'ouragan Harvey. Oui. Des petites frites, là, sur le bord. Harvey, Irma, en tout cas. Oui. Fait que on entend souvent cyclone, typhon, ouragan, tempête tropicale, etc. Mais est-ce que c'est différent? Mais est-ce que c'est j'imagine, même... non? Ben les mots sont différents, mais les ravages, je dis toujours, les ravages sont les mêmes. Oh ouais. Mais je vais commencer avec les cyclones. La définition la plus intuitive d'un cyclone, c'est que l'air tourne autour de lui-même, tourne autour d'un point. Un peu comme une tornade. Exactement. Ouais. Fait que c'est un mouvement tourbillonnaire, mais pourquoi est-ce que l'air, à un moment donné, commence à tourner de cette manière-là? Dans le fond, lorsqu'il fait très chaud, l'eau s'évapore. Ça, c'est normal. Mm-hmm. Mais lorsque la température à la surface des océans atteint 28-29 degrés, quand je dis surface, on parle des 50-60 mètres de surface, l'eau s'évapore de manière anormale, aboutissant à un échappement plutôt... De vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette air chaude qui s'en va dans l'atmosphère, elle fait en sorte de perturber la pression atmosphérique. Mm-hmm. Vous savez, l'air qu'on ne voit pas est composé d'atomes et de molécules oui. qui ont leur densité puis qui ont une masse. Cette densité et cette masse fait en sorte que ça exerce une pression sur la Terre, sur nous. La pression atmosphérique normale, on va dire une atmosphère, bien que l'unité internationale, c'est les pascals. Vous pouvez entendre pascal, bar, octopascal, mais pour rendre les choses plus simples, on va dire une atmosphère. Lorsque l'air est chaud, ouais. chaude, elle est beaucoup plus légère que l'air normal. OK. Donc, plus léger, ça veut dire une densité moindre, ce qui fait que la pression est plus basse que la pression normale. Okay. Lorsqu'on a une grande région de basse pression, c'est ce qui produit ce qu'on appelle dans le jargon de météorologie une dépression atmosphérique. Okay. Et c'est ça qui fait que l'air commence à tourner dans un mouvement de tourbillon, aboutissant à des vents qui peuvent aller jusqu'à 300 km/h ouais. et à des pluies diluviennes. Okay. C'est, pardon Mathieu, vas-y. Je pense que c'est la dernière, Maria, ouais. qui a atteint 280 km/h proche, en là. Tourbillon. Ouais. Ouais. C'est... Non, moi, tout ce que j'allais faire, c'était que la dépression, elle devrait être consultée. Oh! Bonne idée. Non. J'avais pensé ça quand j'écrivais ma chronique. Oui, hein. Ouais, c'est ça. Le genre de jeu de mots que Mathieu pourrait faire avec les mots. Pas toujours original dans ces jeux de mots. Donc, c'est ça. Le conflit ou le clash entre les deux pressions différentes produit des mouvements circulaires des airs chauds et froids, ce qui se développe en cyclone. Donc, les cyclones peuvent s'étendre sur une surface de 500 à 1000 km. De diamètre. Puis comme il s'agit de mouvements tourbillonnaires, le centre du cyclone est généralement plus clément parce que les vents sont moins forts oui. et les précipitations sont moins importantes. Ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Des fois, il y a moins de précipitations. Ouais. Donc, moi, je dis, on peut voir le cyclone comme une symphonie en quatre mouvements. Le premier mouvement, c'est la première partie du cyclone où là, on a les vents, on a les... la première partie, ça pourrait être le calme avant la tempête. Mm-hmm. Parce qu'il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il fasse soleil pour que l'eau chauffe assez pour pouvoir produire ce mouvement des airs. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième serait quand on va être rendu à le premier rayon du cyclone, là où il y a les vents, où il y a la pluie. Le troisième mouvement, ça serait l'œil du cyclone, une accalmie pendant quelques temps. Là, tu sors de chez toi, t'es plus protégé. Tu penses que c'est fini. C'est ça. Mm-hmm. Et là, on a la dernière partie du cyclone. Surprise! On est encore là. Fait que c'est ça, comme j'avais dit, les cyclones qui peuvent s'étendre jusqu'à un rayon de 1000 km. Donc, l'œil du cyclone peut... on peut avoir quelques jours d'accalmie avant d'atteindre la dernière partie du cyclone. Ouais. Donc, pour qu'un cyclone se forme, il faut que la température des eaux de surface, c'est-à-dire les 60 à 50 premiers mètres, atteigne un minimum de 28 degrés pour que l'eau s'évapore. Donc, il s'agit là d'une condition climatique indispensable à la naissance et à l'évolution de ce phénomène. C'est aussi une raison expliquant pourquoi on ne voit pas de cyclone en Atlantique Sud ou dans le Pacifique Sud-Est où l'eau est froide, même en été. Pourquoi on les voit... Mais ça pourrait-tu changer, mettons, avec les changements climatiques qui s'en viennent? Juste ça comme ça, là, parce que sinon, terme, on va déménager. Ça pourrait si on avait des changements majeurs. Si la température de l'eau chauffe assez pour que même pendant l'été, les zones qui n'étaient pas supposées être chaudes soient chaudes, avec une fente majeure des glaces, oui, ça pourrait arriver. Mais là, on parle d'un changement vraiment sur un long terme. Oui, c'est ça, sur un long terme. Ou si tout le monde s'installait un spa dans ces coins-là. Toutes les maisons, au chaud. Ouais, pareil. Non? On pourrait essayer. Puis, comme un caméléon, les cyclones changent de forme dépendamment de où ils se trouvent. Et juste parce que c'est pas assez compliqué, ils changent aussi de nom. Ainsi, si le vent d'un cyclone est inférieur à 63 km/h, on parle de dépression tropicale, pas de cyclone. S'il est entre 63 et 117 km/h, c'est une tempête tropicale. OK. Et au-delà de 117 km/h, là, on parle de cyclone. C'est complexe, donc on parle jamais d'ouragan. C'est un mot en anglais, ça, quoi? Mais c'est autre chose, j'imagine. Ah, autre chose. C'est un autre phénomène. C'est mêlant. Oui. Mais c'est pas fini. Le terme de cyclone, il est réservé à l'océan Indien et au Pacifique Sud. Ah ben oui. Oh, on parle en revanche d'ouragan quand c'est en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est et finalement de typhon dans le Pacifique Nord-Ouest. Et les typhons. Ah, les typhons. Donc, finalement, c'est le même phénomène climatique, sauf qu'il y a des noms différents dépendamment de l'endroit où se forme. C'est un peu puis il y a des noms différents. Le Sasquatch versus le Bigfoot versus le méchant bonhomme des neiges, je sais pas comment t'appelles ça. Bonhomme Sutter. Ben, tu sais, pour monsieur et madame, tout le monde dit, mais c'est un cyclone, pourquoi compliquer les choses? Ouais. Mais pour les scientifiques, c'est très important de pouvoir les différencier parce qu'il y a pour des zones... Pour les statistiques, j'imagine. Pour les statistiques, pour les zones de surveillance et aussi pour les études en climat pour voir... Oui. Parce que c'est... chaque océan est particulier aussi, comme chaque être humain est particulier. Donc, s'il y a des... même dans les... dans les biosphères, il y a des microclimats. Donc, c'est très important de différencier les formations des cyclones pour pouvoir voir quelles sont les particularités de chaque microclimat, quelles sont les particularités de chaque cyclone ou de chaque mouvement tourbillonnaire. Un peu comme on nomme depuis pas mal longtemps, en fait, ces cyclones-là, ces tempêtes-là, avec des noms faciles pour pouvoir en parler, pour pouvoir en parler dans les médias, pour pouvoir les étudier. Donc, tu sais, Harvey, Irma, Maria, ça veut absolument rien dire. C'est juste des lettres dans l'ordre alphabétique, puis on commence. On sont prévus jusqu'en genre 2022, je voyais. Ben, exact. Mais c'est toujours comme ça en science, c'est dans le monde de la microbiologie, les bactéries, les virus qui ont des noms, mais c'est des noms qu'on leur attribue pour pouvoir en parler, pour pouvoir les différencier et surtout pour pouvoir les classer. C'est ça. Sur quoi on se base pour déterminer le nom? On se posait ça comme question l'autre jour. C'est pas pour les Maria en ce moment. Ben, tu sais, on le sait que c'est les scientifiques, c'est vraiment long, on détermine un bon temps avant, comme tu l'as dit, Mathieu. Sauf que qu'est-ce qui détermine qu'elle s'appelle Maria et non pas Martine? Aucune idée, mais des fois, je dirais que c'est... des fois, les scientifiques, ils donnent leur nom aux choses qu'ils découvrent ou ils donnent des noms qui leur sont chers aux choses qu'ils découvrent. Ça a du sens. Ouais, ils ont commencé aussi à nommer les tempêtes de neige pour que ce soit plus facile d'en parler l'hiver. Sur la chaîne de météo aux États-Unis, ils leur donnent des noms. Mais je pense que c'est la dernière là, très, très grosse qu'on a eue au Québec qui a été nommée. Ah, ça se peut. Ben, c'est beaucoup plus facile de parler de la crise du verglas avec un nom que juste crise du verglas. Oui, c'est sûr. Mais le plus souvent, les scientifiques donnent leur nom aux choses qu'ils découvrent. Mettons, tout à l'heure, quand je parlais de les atomes qui composent l'air, puis la densité, la densité de ces atomes, les liaisons qui lient les atomes. Mm-hmm. En fait, il y a une des forces qu'on appelle les forces de Van der Waals. Bien, c'est juste Van der Waals, c'est le monsieur qui a, découvert ça, puis il a donné son nom à Je devrais devenir scientifique, donner mon nom à toutes. C'est comme la bombe H qu'ils l'ont appelée en honneur de Paul Isporin, de préparation H. Oui, c'est ça. Parce, le gars, il a mal aux fesses quand il... Exactement. Ouais, quand il a inventé ça. Non. Ça, c'est pas vrai, nécessairement. Ben, bien que les cyclones soient des phénomènes naturels causés par des changements atmosphériques dus aux saisons, l'homme n'est jamais trop loin de ces changements. Il est vrai que les recherches actuelles n'y ont pas... quand je dis recherche actuelle, les recherches scientifiques n'y ont pas déterminé une causalité entre le changement climatique et la fréquence des cyclones. C'est que ça perturbe le climat, ça perturbe la nature, mais il n'y a pas d'études. Quand on dit une étude qui le prouve, c'est des études statistiques qui disent c'est à cause qu'il y a eu ce changement qu'on le sait. Il n'y a pas d'études comme Pourquoi? Ça. Parce que c'est très difficile, c'est très difficile à mesurer. Ouais, ça devrait prendre, si on veut vraiment être très rigoureux, on devrait avoir des statistiques depuis l'éternité sur chaque augmentation de chaque millième de degré, etc., pour voir est-ce que vraiment le comportement humain a abouti à un changement dans la température qui a abouti. En fait, c'est vraiment très laborieux à faire. Mais tu retiens, on ne peut pas fermer les yeux sur une réalité que depuis les années 70, les cyclones ont tendance à la hausse. On en voit de plus en plus, puis ceux qui se forment, ils sont plus dévastateurs. OK, oui. Le changement climatique et le réchauffement climatique ne pourraient pas être très loin de ça. Parce que, vous savez, pourquoi on parle de changement climatique ou de gaz à effet de serre? Les gaz que l'activité humaine déverse dans l'atmosphère, ils font comme une sorte de film qui laisse rentrer tous les rayons solaires, mais ne laisse pas échapper une sorte de rayon solaire. Ce qui fait que la Terre reçoit beaucoup trop de chaleur, mais ne peut pas en dégager. Ce qui fait que comme la température augmente et les glaces pourraient fondre et les océans pourraient avoir tendance à chauffer plus facilement ou plus rapidement que dans une saison normale. Est-ce que ça veut dire que ça dérègle toutes? Absolument toutes. Juste un degré pourrait tout dérégler. Ouais, c'est ça. Pauvre poisson. Les écosystèmes sont comme le corps humain. C'est comme un puzzle. Chaque pièce est liée à une autre. Puis un changement infinitésimal pourrait tout dérégler. Des fois, on n'y pense même pas, mais s'il n'y avait pas de fourmis, par exemple, tout l'écosystème s'effondrerait. Ah oui? Mais là, il y a comme un problème avec les abeilles, là, présentement. Oui, exactement. S'il n'y a pas d'abeilles, on pourra pas avoir les bonnes pommes Macintosh, parce que ce sont les abeilles qui permettent qui permettent de féconder les fleurs qui vont donner des pommes par la suite. Donc, l'écosystème, c'est... Les écosystèmes en général, voyez-le comme un puzzle que si une pièce manque, fait que c'est toute l'œuvre qui pourrait s'effondrer. Encore plus dans les océans, il y a ce qu'on appelle le plancton et c'est la base de la chaîne alimentaire à la vie. Oui, exact. Puis quand les eaux sont chaudes, le plancton ne survit pas. Donc si le plancton, s'il y a plus de plancton, c'est toute la chaîne alimentaire marine qui va s'effondrer. Wow. Mais là, tu sais, mettons, là, on fait de grandes spéculations comme ça, là, tout va s'effondrer. Ça prendrait combien de temps, mettons? avant que ça arrive. Ben, ça prendrait probablement plusieurs siècles. OK, ouais, c'est ça. Bon. On est rassurés. C'est ça, oui, merci. En même temps, il faut travailler pour changer ça parce que c'est les générations futures qui vont... Exactement. Ouais. Fait que... je veux pas avoir l'air... de moralisatrice, mais... Mais vas-y, sois moralisatrice, c'est candide de penser que, de nier le rôle de l'humain dans cette perturbation atmosphérique, puis de dire, oui, mais les cyclones, ça a existé depuis toujours, les catastrophes naturelles, ça a existé depuis toujours, oui, mais le premier homme qui a coupé un arbre, le premier qui a fait un feu, le premier qui a taillé son outil dans une roche, il n'avait pas conscience de perturber le rythme de la nature, mais il a entamé un processus pendant lequel l'homme en général, et l'humain, est de plus en plus... comment dire? Il a de plus en plus la rage d'avoir des choses, il est de plus en plus... matérialiste, qui fait que maintenant on se demande est-ce qu'il y a un point de rupture? faut juste... on peut pas s'attendre à ce qu'il y a une personne ou un gouvernement qui apporte la solution, mais c'est chacun qui peut apporter un changement à... Avant qu'on arrive au point où on peut pas revenir en arrière. On peut pas arrêter tout du jour au lendemain. Okay? Non, personne vit plus avec rien. Exactement. Non, c'est pas réaliste. Mais on peut avoir des gestes au quotidien qui pourraient juste rendre les choses un peu meilleures. C'était la journée sans mon auto solo il y a quelques jours, hier ou je sais pas trop quand. Il y avait ça. C'est une action de mineur, mais quand tu vois, même. Ça, je trouve ça drôle parce que la promotion est jamais faite de façon extravagante. Non, en théorie, on devrait. Oui, je suis d'accord. Ça passait assez inaperçu. Ça passe tout le temps inaperçu, ce genre de journée-là. C'est vrai. Mais il y a plusieurs gestes quotidiens. Par exemple, au lieu de mettre ta collation dans un sac Ziploc, prends une boîte en plastique puis réutilisable, puis tu vas l'utiliser chaque jour. Comme ça, tu vas pas jeter un sac de plastique pour rien. Ouais. Tout à fait. Des petites choses comme ça qui, une fois mises ensemble... Bon, là, je me sens mal avec mes Ziplocs. Ouais. enlever mes Ziplocs dans mon armoire. Ou d'avoir une tasse pour le café qu'on pourrait remplir. Oui, ça, oui. Puis le café coûterait moins cher. C'est vrai. Ça, oui. Voilà, donc ta morale est faite, mais c'était pas trop méchant. Ça a bien passé, merci. Je pense que ça a bien passé. On te retrouve aux deux semaines et on va te lire dans Zone Campus. On a parlé tantôt au début de la chronique que ta chronique dans Zone Campus changeait un petit peu. Qu'est-ce qui change? Ben, ça n'a pas changé un petit peu, ça a radicalement changé. L'année dernière, j'avais une chronique chronique art, société, culturelle où je parlais, moi j'adore ça, l'art socio-responsable. J'allais dénicher les gens qui essayaient de rendre... le monde un peu meilleur. Ouais. Mais cette année, ça va être une chronique de vulgarisation scientifique. Ah, donc ta chronique d'ici est rendue dans Zone Campus au lieu de... Oui, ma chronique d'ici est rendue dans Zone Campus. C'est le fun, on aime ça. Ouais. C'est vraiment cool. Donc, on va te lire aux deux semaines à partir du 26 septembre dans le premier numéro de la saison. Et t'es aussi, il y a des articles exclusifs au blog zonecampus.ca et sur la page Facebook. Donc, à la Sania Kouyi, merci beaucoup. Et dans deux semaines, les jeudis à 8h. Merci de me recevoir. Caroline, c'est le fun de t'avoir. Oui, on adore ça. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu. Ben oui, depuis le mois d'avril. Exact. Oui. Merci beaucoup. D'ailleurs. Dans quelques instants, ce sera autour de Catherine Langlois, qui, elle, est une nouvelle dans l'équipe. Elle fait celui derrière l'écran, je la vois pas, mais je suis sûr qu'elle... Elle est déjà venue, Mathieu. C'est pas vrai de dire que c'est nouveau. Nouvelle régulière. Quand que c'est pas vrai. Nouvelle régulière à l'émission. Elle était pas t'as chroniqueuse. Elle était chroniqueuse. Oui, t'as raison, de plein air. Oui. T'as raison, c'est bien elle. Mm-hmm. Non, je la mélange avec sa sœur jumelle qui se promène dans l'université tout le temps. Ouais, je sais. On en reparle. Elle aurait été nouvelle. C'est ça. On revient rester là. Aujourd'hui. C'est fou! 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'assemblage Reiki avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante qui était pas super tête sur ce coup-là. Ouais, hein, c'était... il a pas passé de l'entendu. Pas son meilleur moment technique, mais c'est pas grave. Oui, bon retour. Oui. Bon retour. Il nous reste plein de choses dans l'émission aujourd'hui. Alex Dossi va être là pour parler du long week-end du cours dans une demi-heure environ. On va sûrement continuer de faire la mise à jour sur ce qui s'est passé avec notre fenêtre de studio. Catherine Langlois qui vient d'arriver. Ta théorie sur ce qui s'est passé dans le studio, la porte a une fenêtre et la fenêtre est éclatée en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Je trouve ça intéressant de garder le mystère pour l'instant. Moi, pour moi, ça va toujours rester inexpliqué. On a beaucoup de réactions sur Facebook en passant. Les lignes ne dérougissent plus sur Facebook. C'est fou, les gens sont fâchés, premièrement. Oui. Et deuxièmement, on se pose la question, est-ce un point ou est-ce une tête? Ben, la grandeur est pas mal la grandeur d'une tête, mais en même temps, on sait pas. Parce qu'en théorie, la photo que j'ai postée sur la page Facebook d'Assemblage Reiki, ça pourrait avoir l'air d'un point, considérant l'angle avec lequel je l'ai prise. Mais si vous arrivez devant la porte... C'est tout autre chose. Le concierge est venu ramasser la vitre sur le plancher, donc ça avance vite. Oui, merci à lui. Hein, ça avance vite. Il y a quelqu'un qui demande si c'est Chuck Norris qui a fait ça. Peut-être, c'est toujours Chuck Norris. Peut-être. Toujours. Ou sinon, on donne le blanc à David Ferron d'habitude, fait que c'est sûrement David Ferron. Pour les habitudes de TDAH. C'est à cause de son TDAH. C'est ça. Bref. On le dit encore une fois, il faut être déterminé. Il y a un grillage dans la vitre. ils ont réussi à briser le grillage dans la vitre. Et il y a un mouton de vitre par terre avec du grillage. Il est parti dedans. Par exemple maintenant. Il est parti, oui, là, oui. Et on a réussi à fermer la porte. C'est ça aussi. Bref, on vous tient au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'ils vont changer la vitre pendant la dernière heure de l'émission. Ça devrait se faire tout de suite après. Après l'émission, oui. D'accord, merci. Donc, Catherine Langlois, la raison pour laquelle elle est là, c'est pour sa chronique dans quelques instants. Chronique voyage. Avant ça, par contre, on va se préparer à avoir un beau petit rendez-vous galant. On est toutes canailles à Assemblage Requis sur C'est fou. Rendez-vous galant à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment d'accueillir une nouvelle, mais ancienne, mais nouvelle, parce que ça fait longtemps, puis j'avais déjà oublié qu'elle avait fait une chronique plénière dans le temps. C'est Catherine Langlois avec une chronique voyage, mais qui n'a pas d'intro, fait qu'on remet la chronique qu'elle avait dans le temps. Comme on dévalait une pente de ski, tu vas peut-être te rappeler. Là, ça te rappelle les souvenirs! Dans le temps, tu nous faisais une chronique plein air, Catherine Langlois, avec le club plein air UQTR. Tout à fait, oui. T'avais aimé ça, j'imagine. C'est pour ça que tu reviens. Hein? On espère. Ça dépend, tu sais, il y a eu un grand espace, là, un grand moment entre mes chroniques, là, c'est pas pour rien. Ah, c'est là, quand que je suis tellement intense qu'il faut des fois une pause entre... Ouais. Une pause d'un an, là. Environ, t'sais. Mais t'es de retour... Tu l'as traumatisé bien. Exactement. Retour en permanence, en fait, avec une chronique voyage. J'entends dire que ta carrière est basée pas mal en ce moment sur les voyages. Oui, tout à fait. En fait, ça a commencé, ben, moi, je suis une ancienne étudiante du baccalauréat en loisirs, culture, tourisme. Hey, oh, ouais. Récréo. Ouais. on a entendu beaucoup dans les deux dernières semaines. Je sais pas, hein? Oui. Donc, moi, je suis venue pour, justement, l'aspect tourisme que, finalement, ben, j'ai développé à travers ma carrière à la place. Donc, j'ai commencé, j'étais conseillère en voyage. Puis là, je suis encore là-dedans. Donc, je suis également forfaitiste. Fait que les personnes qui bâtissent les petits forfaits que vous voyagez ben oui, avec. C'est le fun, ça. Oui. Mais ça veut dire que tu as voyagé toi-même dans la vie ou bien tu fais juste vivre des voyages par procuration en regardant les photos du monde qui t'amène? Un peu des deux. T'es allé où? Ben, j'ai fait beaucoup les États-Unis. C'est sûr, au Québec, je suis allée plus local avec ma famille depuis que je suis jeune. Tu sais, à 6 semaines, mes parents m'amenaient en République dominicaine. Fait qu'on voyageait partout. Puis on a fait beaucoup de road trips, là. Ça paraît pas, mais quand t'es 4 enfants, un chien, la glacière, les bagages pour 2 semaines dans une van et que tu descends dans les Keys, donc les îles au bout de la Floride, pendant 3 jours et demi, faut que tu t'aimes fort, là. Vraiment un... pas toi-même, mais la famille. Non, c'est ça, exactement. Surtout quand je chantais du André Waters dans le char. T'as du goût musicalement. Ah, c'est incroyable. Avec mon Walkman. C'est ça. Donc oui, c'est ça. Présentement, je suis employée pour Voyage Arabais, mais pas comme conseillère en voyage. Là. Donc, j'occupe un autre poste, mais je flotte quand même dans cet univers-là, donc avec l'intérêt qui est toujours là. Et la curiosité, évidemment, de te renseigner sur des endroits peut-être un petit peu moins connus de la planète. Ce sera pas quoi faire à New York, là. Non, c'est ça. Ça, je pense que tout le monde est allé en secondaire 4. Oui. Donc, ça, on va laisser faire le New York pour l'instant, surtout. Ben, aujourd'hui, je vais répondre d'abord à des petites questions classiques que je me fais toujours poser quand on me dit que je travaille dans une agence de voyage. Ben, je me fais toujours dire, ah, ben, est-ce que tu peux me vendre des voyages? Oui, bien évidemment. Déjà là, donc premièrement, non. Non. Okay. Vous pouvez me croiser dans un corridor, je pourrais pas vous en vendre par contre. Mais il y a des questions comme quand acheter son billet d'avion? La fameuse question qu'il y a 18 000 articles qui sont sortis sur Internet pour savoir c'est quand, à quel moment, avec des données scientifiques et tout ça. Il y a des ça. Moments où tu payes plus cher, des moments où tu payes moins cher. C'est ça. Ouais. Puis il y a certaines choses qui peuvent nous aider à payer moins cher. Donc, c'est sûr que... il y a une date. Donc, on dit qu'en moyenne, 56 jours avant le départ, tu payes moins cher. 56 jours, c'est long, là. C'est presque, quoi, 2 mois. C'est ça. Mais ça, il faut s'entendre que c'est une moyenne. Oui. Donc, dépendamment de la destination, de l'heure que vous voulez partir, de vos critères aussi, est-ce que ça vous dérange de faire 4 escales ou vous voulez un vol direct? Toutes ces choses-là, ça peut jouer dans le prix. C'est sûr que quand on parle de billets d'avion qu'on veut payer à moindre coût, ne pas compter là-dedans le temps des fêtes, la semaine de relâche, évidemment. Et un peu les vacances de la construction. L'action aussi. L'action de grâce. Ouais, ben, pas si pire, ça. Pas si pire, hein? C'est pas si pire. Vraiment, là, au niveau mondial, là, le temps des fêtes, ça, c'est plus t'achètes d'avance, mieux c'est, parce que le prix va juste augmenter. Les compagnies aériennes le savent que les gens vont quand même aller voir leur famille pour Noël, peu importe si le prix est 200-300 de plus. Ils peuvent se le permettre de le mettre pas mal plus élevé. Là. Exactement. Quand on parle là, d'un aller-retour en France dans le temps des fêtes, là, on peut parler de plus de 1 000 $. Là. Versus combien habituellement? Autour de 600-650, okay. On peut bien s'en sortir. Ouais. Donc oui, ça change vraiment. Puis les semaines de relâche aussi, les gens qui veulent aller dans les tout-inclus puis qui se disent « Ah, je vais attendre dernière minute, ça va coûter moins cher. Mm-hmm. » Ça, c'est faux. Nope. C'est vraiment faux. Pendant la semaine de relâche, là, ça va juste augmenter, puis ça va aller de pire en pire. Spring break! Exactement. Hey, oh. Oui, donc si vous magasinez des billets d'avion, première chose, moi j'utilise toujours Google Flight. Okay. Donc, si vous savez pas c'est quoi, vous pouvez y aller. C'est super facile. Vous rentrez votre destination, votre ville de départ. Donc, ça peut comprendre tous les aéroports de la ville. Vous pouvez y aller avec votre budget sinon. Si vous dites, ben, je vais partir de Montréal, je sais pas trop où je m'en vais, mais il faut que je parte parce que je suis tannée de ma fin de session, comme j'ai fait beaucoup dans les dernières années. Bon. Vous mettez un prix, puis ensuite, là, vous avez la carte du monde. Avec selon votre budget, où est-ce que vous pouvez aller? C'est fort. Pour aller-retour. Donc, ça se fait vraiment bien. Puis, c'est un bon indicatif parce que, bon, ça va aller chercher tous les sites qui vendent des billets d'avion. Donc, en général, les prix qu'on a sur Google Flight, c'est assez bon pour savoir dans quel budget on doit se tenir pour l'acheter. C'est un peu un Trivago du voyage. Tu sais, qui amalgame tous les autres en un seul service. Ou hotel.com, je pense. Ça fait à peu près la même chose. Exactement. Yeah. Plein de choses. Le hibou, là. Ils sont fatigués avec leur maudit hibou, là. Sérieusement. Faites confiance au hibou. Non. Je te trosse pas, t'es un hibou, man. Ton cou vire à l'envers. Je peux pas te faire confiance. C'est des hiboux. C'est un fit. Ouais. Je vais retourner à Google Flight sur cette belle parenthèse d'hibou. Tu t'ennuyais pas, là, de ça? Non, je m'ennuyais pas trop, dans le fond. C'est sa première et sa dernière. Oui, c'est ça. À dans un an. C'est ça. Donc, quand on va sur Google Flight et qu'on cherche pour les billets d'avion ou sur d'autres sites comme les compagnies aériennes, c'est important, entre vos recherches, d'effacer l'historique. J'allais vraiment te poser la question parce que les sites peuvent voir par les cookies que t'es déjà allé sur le site, donc que Exactement. Que tu peux payer plus cher parce que t'as... Oui, ils vont voir, là, ils vont retracer que, par exemple, que vous allez... je sais pas, Mathieu, où veux-tu aller en voyage prochainement? Je veux aller en Australie. Voilà. Et là, tu cherches dans ton ordinateur beaucoup billets d'avion Australie, ouais. Tu vas dans Google Flight, tu marques ça comme les critères, aéroport Montréal-Sydney. Mm-hmm. Ça va être tout enregistré. Puis ils vont savoir que plus tu y vas souvent, plus il y a de chances qu'en réalité, même si le prix du billet d'avion augmente, ben tu vas y aller quand même. T'es désespéré. Il faut exactement. Que tu y ailles. Donc, ils vont pas baisser le prix. Tellement. À ce moment-là, on efface son historique. Mais c'est pas pour rien. Sinon, le mode navigation privée dans vos furteurs, là, le petit ouvrir une session ou un onglet de navigation privée, puis là, ça devient tout noir. Là. C'est pour acheter des bijoux pour ta blonde ou sinon voyager. C'est fait pour ça. Ouais, mais ça encore, c'est un peu nébuleux, la navigation privée. Ouais, là, quand vous lisez un peu les critères, là, il est marqué que si notre fournisseur peut quand même voir les données d'historique et les choses comme ça. Donc... Ouais. Mais ça, si c'est le fournisseur, même si tu effaces ton historique, il va l'avoir pas. C'est ça. C'est ça. Bref. Une chance que ce n'est pas eux autres qui te vendent un voyage. Hein? Tout à fait. Les fournisseurs à Internet. Ouais. Donc, on efface l'historique et on y va à des heures différentes. Oh. Donc, c'est certain que, veux pas, là, Google sait quand est-ce qu'on va sur notre ordinateur en moyenne. Là. Moi, je suis une couche tard, donc j'y vais le soir. C'est sûr que le soir, si je m'en vais regarder des billets d'avion, ça va être plus cher. Ah. Donc, je vais y aller dans des heures inhabituelles, comme très tôt le matin, comme présentement. Faut que tu surprennes. Donc, à 8h30 que je regarde des billets d'avion, c'est pas normal. À ce moment-là, ça risque d'expliquer des prix un peu plus bas. Okay. Donc, ça, c'est bien. Puis, on s'entend que les dimanches matins, la grosse matinée, ça non plus, on n'y va pas parce que c'est généralement plus cher parce que tout le monde regarde ça. C'est comme aller à l'épicerie. Ils vont te vendre des affaires si tu vas à l'épicerie le dimanche matin. Exactement. Tout le monde y va en même temps. Exactement. Puis, moi, un site que j'aime beaucoup après être allé regarder sur Google Flight, c'est kayak.ca. Oui. Oui. Donc, ça, c'est vraiment génial. Moi, c'est le meilleur que j'ai trouvé à date. C'est aussi un site où est-ce que vous allez passer par les compagnies aériennes, donc qui rapatrient tous les billets d'avion là, qui sont les moins chers pour la destination. Mm-hmm. Puis, ils vous disent également si c'est bon d'acheter ou pas. Donc, ils vont calculer les tendances dans les prochains moments. Donc, si jamais là, c'est le moment parce qu'ils voient qu'il y a une augmentation qui va venir dans les prochaines semaines, ça peut être un bon conseil aussi. Ou des fois, ils vont juste dire « attendez mm-hmm. ». Donc, faites leur confiance, plus qu'au hibou. Exactement. Mm-hmm. Donc, ça, c'était pour kayak.ca. Ensuite, une autre question classique. Combien ça me coûterait d'aller une semaine dans le sud, tout inclus? Oui, le rêve. Ouais. Hein? C'est ça. Mm-hmm. Là, ça, c'est super nébuleux comme question parce qu'il y a beaucoup de critères. Plein de places, plein de sortes de tout inclus ou pas. Donc, je réponds en moyenne avec 20 questions à la réponse. C'est ça. Oui, donc il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais je veux juste aller à Cuba, là, vraiment pas cher, ah, ben au soleil, simple, c'est ouais. ça, là, tu sais, c'est quoi, c'est à peu près quoi, 400 $? » Là, je dis, oui, ça peut être 400 $ pour par vrai. Par jour, peut-être. Non, non, okay, soyons honnêtes. Pour vrai, pour vrai. Ça peut vraiment être 400 $ ça, c'est correct. Par contre, tu sais, si tu as un estomac de porcelaine, ben voilà. C'est peut-être pas une bonne idée. Mm-hmm. Si tu veux être dans. Si tu veux pas être dans un quartier, disons, peu recommandable, voire trash, c'est voire ghetto. C'est ça. C'est peut-être pas une bonne idée. Puis, tu sais, quand on parle de Cuba en tant que tel, si vous appelez pour réserver dans un tout inclus une agence de voyage, ben d'aller en bas d'un 4 étoiles pour un hôtel, c'est pour commander. Non, c'est ça. C'est ça. Si j'ai des collègues, là, que si quelqu'un appelle puis il dit « Ah, mais je veux vraiment cet hôtel-là, je l'ai vu pas cher, je veux lui, puis c'est un 2 étoiles et demi », ils vont dire « OK, est-ce que tu le veux vraiment? » Oui. Parfait. On va passer point par point les caractéristiques oui, pour être sûr que tu saches qu'est-ce que t'achètes, là. C'est juste les photos qui sont belles. C'est ça. Ouais. J'ai une collègue qui, un moment donné, elle a pas eu le choix de dire « Écoutez, monsieur, je comprends que vous voulez l'hôtel, mais moi, je vais vous le dire comme ça, c'est un quartier où il y a beaucoup de prostitution. » Il a fait « Ben justement! » Ben, c'est pas ça, je veux y aller! Ils ont-tu 14 ans? Rendu là, hein? Oui. C'est ça, le monsieur a quand même booké, hein? Fait qu'on on pourra se questionner. Il s'appelle Roger. Oh, jugement sur toutes les Rogers, là, c'est quoi ça? C'est une blague. Comme j'aurais mis un autre nom. Moi, je sais, Denis, cherché. Mettons. Mais là! C'est son père. Mon père. Oh, mon Dieu. Mon frère. Moi, j'ai fait un gag de mauvais goût. Tu l'as fait encore pire. Fait qu'on est là pour s'entendre. On salue Denis qui allait me très blues assez fou les jeux du soir. C'est ça, salut. Oups! Oui, donc c'est ça. Donc à Cuba, on s'entend, on va pas en bas d'un 4 étoiles. Okay. Ça, c'est sûr. Premièrement, puisque Cuba, c'est pas une destination gastronomique non plus. Mm-hmm. Hein, non, au niveau de la nourriture, si on veut arriver. Ben, malgré que si ton but c'est de perdre 15 livres en une semaine, vas-y, ça va être correct. Tu vas te plaire là-bas. Là. Ouais, exactement. Ça va te refaire la flore intestinale au complet. Exactement. C'est ça. Donc, on parle, là, quand on parle des prix, c'est sûr qu'il faut aller regarder avec la qualité de la mer aussi. On s'entend s'il y a plein de coraux, s'il y a beaucoup d'algues, bref, plein de choses comme ça. L'hôtel en tant que tel, la nourriture servie, le service. Il faut pas oublier non plus que le nombre d'étoiles des hôtels, c'est pas parce que c'est un 5 étoiles qui va être 9 de l'année passée et tout ça. Donc, c'est un hôtel qui offre le plus de services. Donc, les étoiles sont attribuées en fonction du service offert. Donc, des fois, les gens se demandent, on se fait poser la question aussi des fois, ben pourquoi il y avait un insecte dans ma chambre? Mmh. Voyons, c'est un hôtel 5 étoiles, comment ça? Ben l'insecte ne sait pas que c'est un hôtel 5 étoiles. Ouais, c'est ça. Pas de discrimination de la part des insectes. Non, c'est ça. Exactement. Ils vont rentrer où ils veulent. Ça, c'était... Je l'ai pas vu du tout. Oh. Pour une fois que c'est moi qui... C'était louche. Bien serré. Ah, louche. Bon, hey, puis passer par une agence de voyage, ça coûte-tu plus cher? Est-ce qu'on voit de plus en plus, genre, même prix qu'Internet sur leurs affichages? Oui et non. OK, vas-y. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est parce que j'ai voyagé avec les deux. J'ai voyagé avec une agence, j'ai voyagé, mettons, avec Expedia. C'est parce qu'avec Expedia, t'as toujours des frais qui sont cachés. Ouais, ouais. Ça veut dire que, mettons, l'assurance, faut que t'as payé, mais on the side. Tandis qu'à l'agence, ben, faut que tu payes l'agent, non? Ben, tu payes l'agent, oui, mais c'est elle qui fait le travail à ta place. Mm-hmm. Je sais pas, puis moi, tu t'assures que tu vas être une bonne place, puis t'as l'assurance aussi, si je me souviens. OK. Ben, dans le fond, t'as pas l'assurance de voyage, là, c'est toujours à part, c'est certain, mais t'as le fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage. Ah. Donc ça, c'est quand même très pratique, parce que ça t'assure comme quoi que s'il arrive quoi que ce soit à l'agence, mm-hmm, ou peu importe, tu vas être remboursé. Ensuite, non, ça coûte pas nécessairement plus cher. Okay. Je dirais que des fois, même, ça coûte moins cher que d'aller par nous-mêmes. Mais c'est sûr que en tant que tel, il y a un peu une politique de... Comment on peut dire ça? Non-compétitivité avec le transporteur aérien, okay, donc le fournisseur. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que l'agence de voyage qui vend un voyage Sunwing, mm-hmm, pourra pas le vendre moins cher que Sunwing, okay, à moins qu'il y ait des promotions. Donc, déjà là, on peut aller chercher avec des ristournes, mm-hmm, des choses comme ça. Là, ça peut devenir avantageux parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font... achète avec nous et tu as une ristourne de 200$. Donc, en tant que tel, ça ne coûte pas moins cher, ouais, je mets entre guillemets, mm-hmm, mais au final, oui. Okay. C'est juste une façon de le faire passer autrement. Très bon savoir. Donc, ça peut être le fun. Puis, on s'entend, consulter un agent de voyage, c'est gratuit. Hein? Ça, on me demande souvent... Ah, je savais pas. C'est comme un courtier d'assurance? C'est ça. Dans le fond, il n'y a aucune obligation à réserver un voyage ensuite. Donc, si toi, Mathieu, ça te tente d'aller en Espagne... Mm-hmm. J'allais dire Australie, mais bon, ça m'envoie en Espagne, vas-y. Ça me tente. Donc, ça te tente d'aller en Espagne et tu sais pas par où commencer, tu sais pas où aller, mais tu peux aller dans une agence de voyage, demander des questions, puis repartir avec ça. Il n'y a aucune obligation. Puis moi, une chose que je passe, c'est les agences de voyage. Non, c'était mal dit ma phrase. Je recommence. Un petit peu, ouais. Ouais, c'était vraiment mal dit. On va couper son montage. Bon, ben oui, il y en a pas. je prends toujours mes assurances avec les agences de voyage. OK, parce que tu peux les prendre à part, j'imagine. Oui. Comment tu fais ça, sinon? Les assurances? Faut que tu cherches, j'imagine. Ouais, ouais, sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont avec la Croix Bleue ou des choses comme ça. Il y a des compagnies. Moi, je prends toujours mes assurances, justement, à ma job parce que je suis là. Hein. C'est pratique, mais ils font affaire avec Manuvie puis ils ont des tarifs avantageux. Donc, moi, quand je suis allée au Costa Rica, pour 16 jours, ça m'a coûté 40$. Mm-hmm. Puis j'ai été full pin assurée, là, vraiment, le bagage perdu, accident de vol, annulation de voyage. C'est le fun, ça. Ouais. Ça, c'est le fun. Ça coûte moins cher que toutes les autres compagnies normalement. On a ça encore du temps? Vas-y, oui. Donc ça, c'était les petites questions classiques là, qu'on me demande souvent. Je vais vous faire découvrir une destination aujourd'hui. Oh! Ouais. OK. On n'est pas au courant de ce non, qui s'en vient. Non, c'est ça. Là. Pas en tout. On savait que c'était voyage, mais on sait rien de plus que ça. Non, c'est ça. On connaît pas le planning de ma chronique. Donc, le pays, le Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Ou Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? Oui, tu peux dire les deux. OK. Courge existante? On va parler... je vais parler en « Ce pays est... » OK. À travers la chronique. Oui, le Kyrgyzstan. Donc, c'est en Asie centrale. En tant que tel, là, si on veut savoir à quoi ça ressemble, ce pays-là, un peu, on a 6 millions d'habitants. Donc, on s'entend au Québec, on est 8,2 millions. Ouais. Donc, c'est moins populeux, vraiment. Le climat, ça ressemble à quoi? C'est continental. Mm-hmm. Mais les hivers sont vraiment de type sibérien. Donc, très, très froid. Mais c'est sec. C'est très venteux parce que c'est vraiment très montagneux. Il n'y a pas de plaine en tant que tel. Donc, c'est toujours des zones avec des collines au minimum ou des montagnes. Même l'été, il y a des cols de neige. C'est de la musique du Kyrgyzstan. Ah, OK, on s'est mis dans l'ambiance. Ouais. Ben oui. C'est subtil. On voyage. Oh, oui. Donc, c'est ça. Même l'été, il y a des cols de neige dans les montagnes, mais ça reste quand même très, très chaud si on s'en va dans les capitales et dans le sud du pays, mm-hmm, pour l'été. On conseille de partir dans les demi-saisons pour aller là-bas parce que... Ça veut dire quoi, les demi-saisons, donc à la moitié de l'hiver? au printemps et à l'automne. Ah, c'est... Oui, Colin, OK, j'aurais jamais pensé que c'était ça. Ouais. OK. Donc, on parle de avril-mai ou septembre-octobre. OK. Pour avoir des bonnes températures, parce que l'hiver est très, très froid et l'été très, très chaud. Mm-hmm. Donc, on essaie de modérer. Mais si le but est de faire de la randonnée, parce que c'est quelque chose qui est super populaire dans ce pays-là, on y va l'été parce que les zones en haute altitude, ça reste quand même très froid. Donc, on parle quelle langue au Kyrgyzstan, Mathieu? La courge. Probablement. Ouais. Tu répètes la place où tu m'as dit c'était? Kyrgyzstan. L'arabe? Oh. Non. Mais probablement que ça y ressemble quand on l'écoute. c'est le Kyrgyz. Ben oui! Kyrgyz? Kyrgyz. Kyrgyz. Est-ce que tu veux que je te l'épelle? S'il te plaît. Oui. K. Oui, K, oui. K. K-I-R. Hier, oui. Oui. Comme hier, oui. Oui, c'est ça. G-H-I. G-H-I. Mm-hmm. Z-E. Z-E. Genre, Kyrgyz. Kyrgyz. Kyrgyz. Kyrgyz in my pants. Oui, tout à fait. Fait que c'est une langue qui a été... qui a apparu suite à la chute de l'URSS. Mm-hmm. Donc, j'avais pas dit ça. Et les gens parlent aussi russe, okay. Puis ouzbek. Mm-hmm. Donc, il y a 50% de la population qui parle russe comme deuxième langue. Ouais, comme langue secondaire. Je ne croyais pas du tout. Donc, si on va là-bas, ça peut être un avantage de parler le russe. Parce que l'anglais n'est pas très familier dans ce pays-là, mm-hmm. par contre. Donc, c'est peut-être le petit désavantage. Mais en tant que tel, ça ressemble à quoi, ouais. Le Kyrgyzstan? C'est un pays nomade, donc très équestre aussi, montagneux. Il y a beaucoup de lacs alpins. Excusez. Non, ça va, aujourd'hui, les gens ont tout le temps quelque chose dans la gorge. Oui. On est persuadé que c'est ça. Aujourd'hui, là, ouais, c'est ça. C'est sûr que on est persuadé que c'est la poussière de la vitre. Ouais. La poussière de vitre. Ça se peut. C'est pas une chanson d'étoile d'Ariane Moffat, ça? Poussière de vitre, je pense. Donc, s'il y en a qui sont déjà allés au Chili, par exemple, donc qui connaissent un peu les paysages, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc, vraiment très, très montagneux, des paysages pour vrai à couper le souffle. Là, vous pouvez regarder sur Google, on penserait pas ça au début. Oh, il y a du punch là, dans je la musique. Varie la musique. Oui, ouais, c'est ça. Distant. OK. L'hébergement, ça ressemble à quoi? Mm-hmm. Fait que en montagne, parce qu'on s'entend que le trois quarts du temps, si vous voulez aller là, vous risquez d'être en montagne. Il y a de l'hébergement donc dans les yurts, l'hébergement traditionnel là-bas. C'est environ 10$ la nuit. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Sinon, on peut y aller en camping aussi pour les personnes qui veulent amener leur propre tente. Ensuite, il y a des guest houses, que ça, c'est environ 12$. Donc, ça se fait très bien. Un peu principe d'auberge de jeunesse. Là, ou du couchsurfing, mettons. Ah ouais. Ça ressemble un peu plus de luxe que du couchsurfing. Okay. Du Airbnb. Tu dors dans un lit au lieu du divan. C'est ça. C'est ça. Puis ensuite, il y a bien sûr, pour ceux qui ont des goûts un peu plus de luxe, là, les hôtels qui sont environ 70$ la nuit, mais tant qu'à y aller, on y va avec la yourte, on s'entend. Ben, c'est ça, pour vivre la vraie expérience. C'est ça, on y va dans le local. Puis on peut même demander de l'hébergement aux locaux, donc ça se fait vraiment beaucoup dans ces pays-là. Pour environ 5$ par nuit, vous pouvez cogner une porte et dire « Bonjour, pouvez-vous m'accueillir pour les prochaines heures? » C'est gentil. C'est super gentil. La nourriture, ça ressemble à quoi? Ben, 3 à 5$ le repas en moyenne. Donc, ça dépend où est-ce qu'on veut aller et tout, mais ça reste très peu dispendieux. Et quelque chose que j'ai vraiment été étonnée, le transport. Mm-hmm. Ben, le transport en commun est très populaire, mm-hmm. ça oui. Mais le stop, le pouce, faire okay. du pouce. Ah ouais? T'appelles ça faire du stop? Oui. Oui. J'avais entendu ça. Pas vrai? Ah oui? Non. Ah, tu le fais pas souvent, hein? Non, ça paraît, hein? Donc, on va parler en faisant faire du pouce, ça. Donc, faire du pouce, c'est vraiment super populaire. Les locaux le font. Donc, une pratique courante dans le pays. Il n'y a aucun danger. Ben, on dit ça, hein? Oui, c'est mais... ça. Et je suis rassurante. Assurez-vous avec la croix bleue, c'est ça que ça veut dire? Ouais. Okay. Oui. Ou avec Manuvi. Donc, oui, le stop, super courant. Des fois, ils vont me faire payer, des fois non, dépendamment de la distance qu'ils vont être parcourus. Mais tout le monde, même au pays, là, les habitants le pratiquent, donc ça, je vous le recommande fortement. Puis ça coûte vraiment moins cher rendu sur place, on s'entend, si on fait le pouce tout le long puis que c'est gratuit, ben on n'a pas de frais reliés à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on va là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On danse sur la musique, évidemment. Tout à fait. On fait de la randonnée, on va bien sûr s'extasier devant les paysages, ça, c'est clairement certain. Pour les personnes qui adorent faire de l'équitation, c'est la place à aller. Ah ouais? Ouais. Mais il y a d'autres attraits touristiques aussi là, qui sont très populaires. Donc, il y a un bazar, donc le bazar d'Ordois, okay. qui est dans la capitale, qui est Bishkek. C'est difficile, là, on s'entend. Beefsteak. Bishkek. Bishkek. Beefcake. Okay. bref, la capitale du Kyrgyzstan, vous pouvez aller voir. Il y a un bazar qui est là, puis c'est le plus grand bazar d'Asie centrale. Donc, c'est très, très impressionnant. Par contre, quand on parle de bazar, on s'entend à ce que ça soit bruyant, ouais, que ça. Ça bouge beaucoup. Mmh. Là, on pense souvent à Marrakech et, exactement. Et tout ça. Mais non, c'est ultra calme. Ah ouais. Donc, c'est un immense bazar. Mais est-ce qu'on y retrouve le même genre de choses qu'à Marrakech? Mettons, des épices, tout ce qu'on n'a pas ici? Là? Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Mais tout ça de façon très, très calme et très zen pour un bazar. C'est assez impressionnant. On a aussi à Caracol, c'est un des plus grands marchés d'animaux au pays. Ah. Donc ça, c'est super intéressant parce que les gens vont tester les animaux d'une certaine façon. Donc, dans le sens. Si, si on veut acheter un cheval, les gens vont dans le... Comme animal de compagnie. Là. La seule chose qui m'est venue en tête, c'est une chèvre. Non, OK, ça, ce n'est pas un gag approprié pour moi. Ah non, mais attendez, il y a quelque chose de... Ah, je suis désolée. Donc, si on va au Kyrgyzstan, oui, c'est intéressant d'aller au plus grand marché d'animaux du pays, oui. Donc à Caracol, là, mais les gens vont tester... j'essaie de dire ça d'une belle façon pour pas que tu tournes à l'envers, mais c'est impossible. Donc, l'efficacité du cheval qu'ils veulent acheter. Exactement. Donc, le monter. Ils vont monter le cheval. Et le tester à travers le marché. Donc, il faut faire attention des fois. Fait que tu peux aller magasiner avec? Avec qui? Le cheval? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Oui, non, mais une fois que le cheval est acheté, on peut se promener dans le marché avec Pas prendre un cheval t'acheté non plus. Non. Tu comprends? Oui. Ouais. Ensuite, là, ça va être spécial. Okay. On assiste à un match, et là, je répète le nom du sport, soyez indulgents, un match du lac Tarchtish. Mm-hmm. Okay. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? J'ai mal entendu. Un match du lac Tarchtish. OK. Mm-hmm. Donc, c'est un sport traditionnel. Ça consiste à deux équipes qui sont évidemment à cheval. Oui. Et ils s'opposent avec une carcasse de mouton pour la déposer dans le but adverse. Le but est en fait un trou. Donc. C'est l'ancêtre du polo. C'est ça, on pourrait penser ça. Donc oui, c'est un sport traditionnel, je le répète, hein. Donc des fois, ça peut paraître un petit peu barbare. Là. Mais la carcasse complète ou... Ouais, ben il n'y avait pas de détails, mais c'est une carcasse de mouton. Là. Est-ce qu'on a besoin des détails? Oui, c'est ça. Donc, mais ça m'intrigue! On se lance le mouton et le but est de le déposer dans le trou de l'équipe adverse. Il dit comme ça. Ben oui. Voilà. Donc ça, c'est une expérience. Hein. Faut assister à ça au moins une fois dans sa vie. Mais ça doit être long, là, oui, déjà oui, c'est une tradition, là, vraiment. C'est super important là-bas. C'est comme le hockey ici, mettons. Oui. Oh! Oui. Super. On niaise pas? Non. Avec la carcasse de mouton? Nous niaiser, non. On a tout le respect du monde. C'est impossible. Ensuite, c'est sûr qu'on a les lacs alpins, comme j'ai dit. Là, c'est vraiment un pays qui a des super de beaux lacs. Si vous regardez... Ils ont Steph beau lac aussi. Si vous regardez sur Google Maps, vous allez voir que le Kyrgyzstan, il y a un grand étendu d'eau. Mm-hmm. Donc, c'est le lac Izyk-Kul. Elle me regarde comme... j'essaye de faire une chronique, là, d'être sérieux d'être là-dedans. Sérieux, je suis désolée. Donc, c'est la très majeure du pays. C'est le second plus grand lac alpin après le lac Titicaca. Les malaises qu'elle laisse. Comme des silences après. Wow. Mais je te laisse la place pour faire les petites blagues. Je l'apprends pas. Hein? Non, tout à fait. C'est une bonne chose. Donc, ce lac-là ne gèle jamais. Donc, la baignade est toujours possible. Vous pouvez y aller. C'est super beau. L'eau est turquoise à travers les montagnes. Oui. Donc, encore une fois, là, si vous vous demandez ça ressemble à quoi le Kyrgyzstan, un peu comme le Chili. Donc, avec les grandes chaînes de montagnes. Et ensuite, si vous voulez y aller pour le 31 août, donc c'est la fête d'indépendance du pays, à la capitale. Donc, à ne pas manquer, parce qu'il y a des belles chansons comme on écoute présentement, des spectacles. Ça nous met dans l'ambiance. Ouais. Des festivités. Mm-hmm. Exactement. Plein de festivités pour savoir un peu plus ça ressemble à quoi la tradition de ce pays-là. Ensuite, la fameuse question du « ça coûte combien y aller? » Oui. Le prix du billet d'avion. J'ai regardé hier. Le moins cher que j'ai trouué, c'est autour de 1300 aller-retour. Est-ce que c'est, je sais pas si c'est cher dans le domaine, je voyage pas ben. C'est cher. Puis j'ai regardé pour voir si des fois c'est de plus. Mais tu partais combien de temps, mettons? Une à deux semaines. Non. OK. Ouais. Ouais, c'est cher. C'est quand même cher. Avec une escale à Istanbul, toujours. Parce qu'un vol direct, ça se fait pas. J'avais regardé pour faire des combinaisons de vols. Donc des fois on peut partir de Montréal puis dire ben je vais aller en Chine. Puis ensuite, ça me coûtait moins cher un vol de Chine jusqu'au Kyrgyzstan. Ouais. J'ai essayé avec la Chine, l'Inde, la Thaïlande. Bref, ça coûte le même prix ou plus cher. Donc, si vous voulez faire un arrêt dans un autre pays d'Asie avant d'y aller, allez-y parce que ça va revenir à peu près au même prix que d'y aller directement. Par contre, ça vous reviendra vraiment pas moins cher. Ouais. Donc, ensuite, c'était tout pour mon Kyrgyzstan. Oh! Oh! T'avais d'autres choses, j'ai entendu. Mais j'ai autre chose. Mais t'as autre chose, fait qu'on revient genre à ta chanson normale, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Cool. Tu peux mettre d'autres musiques de thématiques, par contre. Ah. C'est où partir en septembre, Mathieu? OK. Oh, oui! Où est-ce qu'on s'en va? Des pays comme la Grèce, la Croatie, le Portugal. Okay. Donc, vraiment en Europe, avec le climat méditerranéen, c'est vraiment là que c'est le moment. Pourquoi en septembre? Bien, c'est sûr, c'est moins touristique. Hein. On s'entend juillet, août, tout le monde va en Europe. Et avec la fin des classes, les gens retournent au travail au mois de septembre. Donc, toujours plus pratique. C'est sûr qu'il fait chaud au mois de septembre. Par contre, c'est pas, y a pas de canicule autant qu'au mois de juillet. Donc, déjà là, on se sent plus à l'aise. Et les prix sont beaucoup plus favorables. Donc, on s'entend que ça va être moins dispendieux. Ensuite, pour les langues, c'est sûr qu'on s'entend avec l'anglais en Europe, on est correct. Mm-hmm. Sinon, pour ceux qui parlent portugais, grec et croate, tant mieux. Je pense que pour ces pays-là, j'ai pas besoin vraiment de dire la description des attraits touristiques. Là, on s'entend la Grèce, Croatie, Portugal et autres pays proches de la Méditerranée. C'est super populaire. Là, tout le monde sait un peu à quoi s'attendre pour y aller. Mm-hmm. Ça coûterait combien? En moyenne, aller-retour, environ, on parle de 650 $ selon le lieu, puis ça peut aller jusqu'à 900. Donc, c'est sûr que la Croatie, le billet d'avion est beaucoup plus cher que si on va aller au Portugal, en Espagne et autres. Mais ça reste que c'est incroyable comme paysage. Parce que c'est plus loin? Oui, et un peu moins touristique aussi. Okay. C'est de plus en plus. Là, dans la dernière année, il y a beaucoup de gens qui s'en vont en Croatie, par contre. Mais ça commence. Donc, je vous dirais que c'est les pays à prioriser si vous voulez partir dans la prochaine semaine. Cool. Oui, parce qu'il reste pas grand temps, septembre. Non, c'est ça, le mois se termine, l'automne commence. Hein? Mm-hmm. Tout à fait. Voilà. Et j'ai une petite anecdote de voyage. Ah, cool. C'est varié, ta chronique. Oui, oui, oui. Il va toujours avoir une petite anecdote de voyage que j'ai lue sur les internets. Okay. C'est une madame, puis là, ça va amener des questionnements, je vous confirme. C'est une touriste argentine qui croyait aller en Australie et qui s'est retrouvée au Canada, finalement. Donc, elle a réservé un billet pour Sydney. En Nouvelle-Écosse. Oh! Au lieu de réserver pour Sydney en Australie. Wow, faut vraiment pas avoir d'attention. C'est le TDA, je pense. Non, c'est ça. Mais on pense que c'est ça, Mathieu. Mais le jugement ne devrait pas être aussi facile. Ah, mais attends un peu. Je suis le gars qui juge. Comment là. Se fait-il? Non, attends, on veut les explications. Ouais. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Moi aussi, j'avais le jugement facile comme toi. Mais finalement, il y a énormément de gens qui font ça. Donc, la personne, la fameuse dame, s'est ramassée au Cap-Breton. En regardant les paysages quand l'avion s'est approché du sol, elle a dit « Il me semble que ça ressemble pas à l'Australie. » C'est ça. Beau, mais... C'est ça. Donc, elle a demandé à l'agent de bord et l'agent de bord lui a informé qu'elle était au Canada. Mm-hmm. Donc, c'était une mauvaise nouvelle. Elle avait pas trouvé ça, malaisant, rien qu'un peu? Un petit peu, mais cette madame-là a ensuite levé la question sur... Il n'y a pas juste elle qui s'est trompée. Dans le même avion? Ben, pas dans le même avion. Okay. Mais en tant que tel, des gens qui vont à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en passant, arriver en Australie, il y en a plus qu'on le pense. Écoute, le tourisme a explosé là-bas. Mais je comprends pas. Il me semble que quand tu cherches les billets, tu tapes Australie, pas Sydney, non? Ouais, mais si tu marches juste Australie... Sydney... Ouais, mais une fois rendu en Australie, tu cliques sur Sydney, tu vas pas taper Sydney. Ben, ça dépend. Ben, ça dépend. Si on s'en va dans Google Flight, puis on marque Montréal, Sydney. Ça doit. Ils vont peut-être nous mettre en Nouvelle-Écosse. Ouais. Puis, elle trouvait pas que le temps d'avion était pas si pire, non? Ben, d'après moi, elle est un... Je sais pas. Était pas courant, T'es naïve un petit peu, madame, je pense. Mais il y a aussi une autre ville de Sydney en Colombie-Britannique, puis eux aussi ont reçu des touristes égarés. Ouais. Donc, principalement venus d'Europe. Il devrait s'installer un petit stade, quelque chose pour avoir l'air de l'Australie, c'est ça, quand t'arrives. Ouais. Mais moi, quand je suis allée au Costa Rica, l'aéroport là-bas, c'est à San Jose. Ouais. Mm-hmm. Et il y a un San Jose aux États-Unis aussi, vous savez. Oui. Donc, j'ai une amie qui me dit que... Certains de ses amis ont booké un voyage pour le Costa Rica dans leur tête. Et en réalité, c'était San Jose aux États-Unis quand ils sont arrivés à l'aéroport. Par contre, eux, ils avaient réservé tout leur hébergement pour les deux prochaines semaines. Ils avaient réservé leur transport. Oh non, à l'autre bout du monde, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, au Costa Rica, au lieu des États-Unis. Donc, ils ont passé deux semaines aux États-Unis. Puis, ils ont dû essayer d'annuler le plus rapidement possible ce qu'ils avaient fait au Costa Rica. Mais ça change le mood de voyage, là, mettons. Oui, mais sur chaque site où t'es allé, c'était écrit États-Unis, il y avait sûrement un drapeau américain dessus. C'était en dollars américains. Je veux dire, tout est américain, mais toi, tu dis... C'est de la naïveté. C'est ça. Mais oui, il y en a beaucoup qui se trompent à travers le monde là, pour ça. Donc, Sydney, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, je vous annonce qu'il y en a un. Puis en Colombie-Britannique aussi. Donc, à ne pas confondre avec celui en Australie. C'est un peu moins glamour. C'est beau, là, celui où, en Colombie-Britannique. Ah oui, tu regardes les images, là, présentement. Ben oui. Elle a envie d'y aller. Ouais, mais si on comme faux, là. T'sais, si on s'attend à regarder la Grande Barrière de Corail, si on s'attend à des paysages d'Australie, c'est pas du tout la même chose. Si tu t'attends à ce qu'il fasse chaud... Ça ressemble un peu à Portland, mettons. Ouais, c'est ça. Non, ça, on va pas chercher dans les mêmes goûts. Non. Wow. C'est donc, tout? Oui, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Belle grosse chronique, un bon morceau. Bon. Ça, on va faire ça aux deux semaines, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Quand il voyage, il va falloir trouver le titre pour ta chronique. Voyage. Ah non, ça, non, je suis capable. Non, non, non. Est-ce que c'est votre chanson thème, c'est voyage, truc? Non, du tout. Non, on n'a pas de chanson thème. Faudrait s'inventer un jingle. Voyons. Travaille là-dessus. Tout à fait. Oui, mais pas voyage. Non. Ça, par contre, là, elle a beaucoup trop joué dans ma vie. Mais oui, ça va être ça. Puis grosso modo, mes chroniques, ben, c'est sûr qu'il va toujours avoir destination d'une découverte. Destination d'une découverte. Découverte d'une destination, on s'entend. Qu'on penserait pas aller en voyage au début. Moi, quand on me dit Kirghizistan, je pensais pas aller en randonnée à cheval, puis aller loger dans les yourtes et faire du stop. Mais... Donc, mais c'est très abordable quand on est rendu là-bas. Donc si jamais vous faites un petit tour en Asie, allez-y. Et où partir dans le mois que je vais faire ma chronique. Donc ça va toujours rester. Puis je vais essayer de mettre des petites anecdotes un peu cocasses. C'est pas mal divertissant. On aime ça. On aime pouvoir juger et rire des gens. Exactement. Mais avec respect. Ben oui, tout le temps. Il faut. Tout à fait. Sauf les histoires de chefs de fond. Merci Catherine Langlois. Ben, ça fait plaisir. Ça va être tous les jeudis à 8h30 environ. Là, aujourd'hui, on avait quelques invités de plus qui se sont ajoutés à notre plan. Donc 8h30, les jeudis aux deux semaines. Merci encore. On prend une pause au retour. C'est vrai, on va parler de court-métrage, le long week-end du cours. Alex Dosti est en studio. Merci. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage pour toi aujourd'hui. Bonjour à son âge requis, c'est la troisième heure en ce jeudi 21 septembre 2017. Tania Baudin est là. Mathieu Plante aussi. Oui, on a échangé Catherine Langlois pour Alex Dosti, un ancien de ces fous, de retour dans nos nouveaux studios. En fait, il a posé la question, est-ce que les studios ont déménagé? Man, t'oublies que t'as animé ici pendant tellement longtemps pis c'était pas là, là. Sérieux, il y a une partie de ma vie que j'occulte pour de très bonnes raisons. Un blackout total. Volontaire. Donc, Alex Dosti, un habitué de C'est fou qui va venir nous parler dans quelques instants du long week-end du cours. Avant ça, par contre, ta théorie sur la porte. Depuis le début de l'émission, on mentionne que la vitre de notre porte est brisée et cassée. Elle n'existe plus. Avec une forme quelconque dedans. C'est ça. Quelle est ta théorie, Alex Dosti? Il y a vraiment une forme conique d'impact, là. Vraiment, on sent encore la force d'impact. Moi, je pensais à une déflagration quand je suis arrivé. OK. Les Coneds. Un Coned qui essaie de je sais pas, venir importuner le docteur Pendragon, j'imagine. Probablement. Il a pas blackouté les réanimations, le docteur Pendragon. Il est là encore. Je suis comme pris avec des... Il y a des trucs que je suis pas capable d'effacer, c'est par ça. Exemple. La théorie de Catherine Langlois qui vient de nous quitter, en fait, c'est un boc. Ah, c'est pas fou, ça. Un boc de bière. Quelqu'un qui a vraiment, tu sais, voulait faire un chin-chin à la porte. Je t'aime bien à la porte et filme. Il y a des violences ici encore à l'UQTR. Hein? Ben oui, vraiment, encore. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. Bref, Alex Dosti, qui est là pour un sujet quand même pas mal fascinant pour tout le monde, ceux qui aiment les courts-métrages. Hein, pour vrai, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est le long week-end du cours. C'est la 4e édition. Oui, monsieur. Et ça s'en vient les 22, 23 et 24 septembre. Donc ça commence tomorrow. Yes, sir. Demain, c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'est ça que ça veut dire? C'est vendredi, samedi, dimanche. Ça, j'ai dit. That's it. Ouais. Ben, il m'a pas écouté. Non, je pensais que t'as glissé sur le lundi. Non, lundi, c'était comme c'était une autre phrase. OK, d'accord. Un point, puis lundi, ça va être fini. Lundi, ça va être tellement terminé, là. On va être fatigué. Qu'est-ce que c'est le long week-end du cours, dis-nous ça? Le long week-end du cours, en fait, c'était l'idée, c'était de rassembler le monde de Trois-Rivières autour du court-métrage, autour du cinéma de court-métrage, qui est qui est pas un genre, une bébite étrange au cinéma. C'est vraiment du cinéma, du fucking bon cinéma. Ben c'est ça, parce qu'en tant que tel, le court-métrage, c'est juste la durée. C'est exact, pas le ça, exactement. Il peut y avoir du drame, de la comédie, il peut y avoir n'importe quoi. Absolument, puis je dirais même que la durée fait en sorte qu'on trouve souvent des paris plus risqués d'un point de vue, soit de la forme, des thématiques. C'est vraiment un cinéma qui est super excitant. Donc, nous, moi, dans la vie, je fais des films aussi, j'en distribue, fait que je passe mon année à me promener dans les festivals un peu à travers la planète. À gagner des prix, tu sais. Ouais, c'est ça. Des affaires gossantes, ouais. Ouais, c'est ça. Il fait des affaires que après ça, les gens, ils reprochent ça pendant des années. Comme, hey, man. Le monde sont choqués. Tu vis en quelle année? Mais je vois des films, je vois d'excellents films. Cette année, j'ai vu pour la programmation du long week-end, parce que c'est je le co-organise, le festival, mais c'est moi qui programme. J'ai vu autour de 400 films. Wow. Puis c'était déjà, je savais où je m'en allais dans les 400 films que j'ai vus. C'était pas mal du crise de bon stock, si je peux m'exprimer ici. Mettons. Puis. T'es un peu trop en eh oui, voilà. On te donne la permission. Vous me biberez dans le. Dans le montage, c'est ça. S'il vous plaît. C'est Alex Dusty, là. On s'en permet. Hey, au moins, il n'y a pas raté, hein? Ah, mais ça s'en vient, j'attends la fin de la chronique. Mais là-dessus, il y a 60 pour la programmation. On a choisi 60 films et c'est vraiment la crème de la crème. Et puis, on a monté ça en 7 programmes. Okay. Et principalement, thématique, ça. Thématique ou. Ouais, ben, ça sera. C'est par la force des choses, ça s'assemble autour de thématiques. J'ai vu comme des patterns se dessiner dans les choix de films. Il a vu un lapin dans le nuage. C'est ça. Regardez les étoiles le soir. C'est très occulte tout ça, là, comment on procède avec ça. Il y a de la magie noire et tout, mais c'est vraiment pour le bien de tout le monde. Des sacrifices puis tout ça. Il y a des chèvres qui sont mortes là-dedans. Mais ça, vous n'êtes pas supposé le savoir. C'est, okay. C'est dans les coulisses. Mais voilà, donc vendredi, samedi et dimanche, ça se passe au cinéma Tapis Rouge. Oui, ne pas confondre avec le cabaret Tapis Rouge, qui était le match d'impro Improvision dont on a parlé plus tôt dans l'émission. Seigneur Dieu, il y a du Tapis Rouge dans le bout. C'est fou, hein? C'est bien glamour, Trois-Rivières. C'est fou, Red. C'est la capitale culturelle. C'est à cause des chefs qui ont été tués qu'il y a le tapis rouge. Le tapis est vraiment imbibé de sangré. Mais non, c'est ça, c'est le cinéma Tapis Rouge, hein? La salle qui est sur la nouvelle feuille, n'est-ce ça, pas? Exactement. Là où il y avait une nouvelliste là, dans ça. Le temps. Exact. Hein? C'est une des. Pour les gens qui ne sauraient pas, qui sont jamais allés au cinéma Tapis Rouge, sérieusement, c'est une des salles de projection les plus high-tech au Québec. Ouais. La qualité de projection est incroyable. Puis, Sélection des films, c'est des films indépendants, aussi, souvent des films de répertoire, c'est bon. Absolument, vraiment. Puis c'est pour ça qu'on s'installe là, parce que c'est un peu dans la lignée. On amène du stock d'ailleurs. Tu vois, nous, on a une quinzaine de films, de pays qui sont représentés dans la programmation. Est-ce que le Kyrgyzstan est là? Non, il n'y a pas le Kyrgyzstan. J'aurais aimé ça, par exemple. Ça aurait été fun. Mais il y a des pays comme l'Indonésie, la Norvège, la Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne, les États-Unis, évidemment, l'Italie. Une quinzaine de pays, bref. Donc, pas de film québécois là-dedans. Oui, il y en a. Ah. Exact. Pour vous faire le survol de nos volets, le vendredi, on ouvre ça à 19h30 avec un volet régional. Donc, c'est toute la région Mauricie, centre du Québec. Ça s'appelle Presque Hollywood, ce volet-là. Parce que, en fait, c'est fou de constater l'imaginaire des cinéastes de la région. Moi, c'est l'année où on a le plus de diversité au niveau de la région. On a des films d'horreur, on a de la comédie, on a des trucs plus expérimentaux. C'est vraiment super varié et super bien fait. Donc, on ouvre avec ça, puis à 21h, on a notre premier volet international qui s'appelle « Quand t'aimes ça, le reste vient tout seul ». C'est plus axé autour de l'identité, la sexualité, l'amour, l'amitié. Avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'amour. On a beaucoup de points de vue féminins aussi, ce qui est comme quand même tough à rencontrer en cinéma de long métrage. Puis un autre avantage du court métrage, c'est que les points de vue sont beaucoup plus variés. Donc on a ça. Puis le soir, en fait, c'est ça qui est à noter, les vendredis et samedis, on ouvre au Tapis Rouge et à 11h, on se déplace ailleurs en ville. Ah oui. Donc le vendredi, ça va être au Café Frida pour un volet trash. Et le samedi, ça va être à l'atelier Silex pour un volet expérience intitulé « Je te feel ». C'est toi qui as trouvé ces noms-là, hein? Ça a l'air d'être. Ouais, c'est ça. Faut mettre des noms à tout, je pèse. Eh oui. Et puis, on a aussi le vendredi une carte. Chaque année, on a une carte invitée. L'année passée, on recevait un programmateur de Sundance pour nous présenter un best-of américain. Wow. Et cette année, c'est le Mexique qui est à l'honneur avec un programmateur du festival de Guanajuato qui vient nous présenter Lo mejor del cine mexicano. Hey boy. C'est pratiqué sur l'accent, non? Yes. Si. Si, ouais, c'est pas tant pratiqué. Yes, no toaster, c'est pas tant, là. Il est 9h30, là, on peut pas y en demander trop. Non, c'est ça. Il a l'air en forme, par contre. Oui. Alex, aussi. J'ai chaud. T'as chaud? Oui. Pourtant, le studio est si, si frais et fringant. Ben, avec le trou d'aération dans la porte, je comprends pas. C'est ça. Aucun sens. Ça sert très bien de cette façon. Il va y avoir un prix aussi qui va être décerné pendant l'événement, j'entends dire. Oui, au volet régional, justement, on a un prix cette année. C'est la première fois qu'on remet un prix. On espère augmenter notre éventail de prix l'an prochain. Mais oui, premier prix. Donc, c'est important d'assister au volet régional du vendredi. Comme ça, vous allez comme pouvoir suivre la game, à savoir qui se mérite ce prix-là. Puis, sérieusement, il faut que vous alliez voir l'horaire. C'est sur la page du Long Week-end du cours. Long Week-end du cours sur Facebook. C'est vraiment chargé. Il y a vraiment beaucoup de stock. On a une classe de maître avec Philippe Falardeau le samedi aussi en après-midi. Donc Philippe Falardeau qui a fait Monsieur Lazare récemment, qui a tourné aux States, The Bleeder. C'est un des réalisateurs québécois les plus accomplis avec les Villeneuve, Jean-Marc Vallée. Il va venir nous entretenir de cinéma pendant 1h30 en vase clos. On va pouvoir poser des questions et tout. Ça va être vraiment cool. Donc, c'est ça, lui c'est... le sacrifice. Faut pas le dire comme ça. Il viendra pas sinon. C'est un sacré. Excusez. Franchement. Ah boy, donc le long week-end du cours, c'est vendredi, samedi, dimanche, 22, 23, 24. Yes. Cinéma Tapis Rouge est dans quelques lieux satellites. Tu as dit tantôt la page de Facebook, mais c'est aussi longweekendducours.com. Si vous voulez en savoir plus sur les horaires et les tarifs. Maintenant, OK, parce que c'est pas un festival gratuit, là, il faut le mentionner. C'est pas gratuit, mais c'est vraiment pas cher. On a vraiment travaillé fort pour garder les prix au plus bas. Donc, ces trois jours-là, les 7 programmations, 60 films, c'est 15$. Et si vous arrivez c'est moins cher que d'aller au cinéma direct pour un. C'est pour vrai, exactement. Tu sais, c'est vraiment pas cher. La qualité est là. Puis on a des cocktails le vendredi et samedi. Si vous venez, il y a de la bière du Trou du Diable, pas cher. Il y a des bouchées gratuites. C'est vraiment le fun comme événement. Malade. Est-ce qu'il faut y aller veston, cravate, Cannes, mettons? Non, s'il vous plaît, okay. Faites pas ça. Avec son chandail de baseball, Fever Cannes. Ben là, c'est parce que, tu sais, c'est un festival de courts-métrages, de films, Cannes, on sait jamais, là. Non, c'est vraiment, vraiment, c'est axé autour du plaisir. À chaque année, l'expérience se renouvelle. C'est dans la bonne humeur, dans l'humour. On sort des projections, on a le goût de parler des films qu'on a vus. On a ri, on a eu des malaises, on se pose des questions. C'est vraiment une grosse communion, un gros partage autour du cinéma, puis de sujets en fait qui parlent de nous, hein. Ces films-là parlent de nous, donc venez parler de vous autres. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu présentes de tes films? Non, pas cette année. L'an dernier, je présentais Mutant. Okay. Mais ceci dit, je présente des films qui sont tous des coups de cœur. Ouais. Dans la sélection Québec, on présente des films qu'on présente, je pense, un film qu'on distribue aussi. Honnêtement, c'est pas mes films, mais je les porte tous dans mon cœur. Ah, oh. C'est fin. Bon, donc le long week-end du cours, maintenant que ça s'est dit, parce qu'on y reviendra, là, mais Alex Dusty, en tant que tel, mettons, hein, la personne. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas fait de radio? C'est quoi ton émission que t'animais, je me rappelle? J'ai eu la chance, en fait, et c'est pour ça que je suis venu à Trois-Rivières. C'est pour ça que je suis venu faire mon université à Trois-Rivières de 2004 à 2007. C'est parce que j'avais un ami à l'époque qui s'appelait Éric Toulouse. Oui! Et qui, lui, ça faisait un an qu'il était à Trois-Rivières, étudiant en communication sociale, et il était dans l'émission du retour avec un certain Luc Bourque. Oui! Tellement. Et il y avait l'émission du retour qui s'appelait Dans le trafic. Oui. Et puis, ils m'ont dit, viens, on va te faire une place sur le show. Puis, ça m'a comme vendu l'UQTR. C'est pour cette raison que je suis venu ici, étudier ici. Puis, j'ai fait pendant 2 ans et demi, j'ai animé. Pendant 2 ans, j'ai animé Dans le trafic et pendant, je pense, une demi-année, j'ai animé La Bulle. La Bulle. La Bulle. Souvenir. De très bons souvenirs. Hey, on faisait 3 heures de live, genre. C'était ridicule, hein? Débile. Nous autres, on fait ça chaque matin. Quelle idée stupide! Dingue! T'as fait de l'impro aussi? J'ai fait de l'impro à la l'huître. Ouais. C'était... Honnêtement, c'est tellement un autre monde. C'est comme il y a plus que 10 ans maintenant. C'est ridicule, hein, que je me rappelle de ça. mais ça me revient maintenant que t'en parles. Tranquillement, pas vite. Là. Mais c'est des belles années. Honnêtement, le bac, tel que tel, mais... toutes les implications, en fait, si je peux inviter les gens à l'UQTR, ce serait de cette façon-là. Hey, c'est beau, ça. Il y a de la place pour s'impliquer. Tellement. Moi, honnêtement, c'est pour ça que je referais mon bac ici. C'est pour les implications, pas pour le bac. Started from the bottom, now we're here. Et voilà. Started from the bottom, now... OK, j'arrête. Je te savais pas rappeur. Non, vraiment pas. Man, Feu Lynx serait fier de toi. Ah, Feu Lynx. Hey, un autre souvenir, un ancien animateur de C'est fou. Il était incroyable. incroyable, cet incroyable. Homme. Bilibop, rap contact. Incroyable, rap contact. Il est mort depuis. Oh non. Parce mais que lui, dans le temps, il était pas mort. C'était un être, mais tu le voyais, c'était un être tragique, extrêmement intense. Moi, je me rappelle, on animait dans le trafic juste après rap contact. Puis on rentrait dans le studio, il y avait déjà une énergie de débile. Ouais. C'était une légende de la radio, c'est fou. Vraiment. Ouais. Il est décédé d'une façon tragique. Vous pouvez vous renseigner vous-même, le Lynx. DJ Lynx. Mm-hmm. C'est triste. C'est, ouais, là, ça finit déprimant. Là, fait ouais, c'est sûr, faudrait revenir sur un high. Comment on se procure vos billets pour ce fameux festival? On peut les acheter en ligne. Okay. Longweekenddiscours.com. Exact. C'est super simple. Sinon, vous venez vous présenter au cinéma Tapis Rouge le jour du festival. Mm-hmm. Puis vous achetez soit des billets pour à l'unité, donc à la soirée, c'est 7$, ou votre passe pour les 3 jours et c'est 15$. Et puis, en parlant, on voulait parler d'affaires le fun. Autre truc le fun, à chaque année depuis 4 ans, on a un film improvisé qui se fait. Donc pendant les 3 jours où nous, on est en salle, on profite des films, on se bidonne, on a du fun. Il y a un cinéaste de la région qui, lui, se fait se torture à faire un film en 3 jours sous les contraintes du public. Oui, ça doit être difficile. D'ailleurs, le sondage pour les contraintes du public sont toujours en ligne sur le longweekenddiscours.com. Oui. Fallait lui. Si vous voulez être chien un petit peu. Exact, lui donner un peu d'amour ou de marde. Faut qu'il y ait des chefs dans ton film. Inclus des chefs à Trois-Rivières, c'est assez difficile. Mais en même temps, c'est toute la beauté dans la difficulté, n'est-ce pas? Tellement. Et c'est Sylvain Robert cette année qui se colle au truc, un vétéran, si je peux dire, de la scène kino et du court-métrage fait sur une gosse, comme on pourrait dire. Donc, avec peu de moyens. Peu de moyens, mais tellement de débrouillardise. De volonté. Exact. Et aussi, de motivation. Est-ce que ça existe encore, kino? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ce nom-là, mais je pense que ça existe encore. Oui, ça existe encore. On présente de leurs films cette année dans notre programmation régionale, d'ailleurs. Je pense que leurs rendez-vous sont aux 2 mois. Ouais, c'est ça. Ça a beaucoup varié. Il y en avait plus. Mm-hmm. C'était au mois. C'était un endroit, c'était un autre. Chaque année, on dirait que ça change de format. Ben oui, mais tu sais, c'est comme l'étrangeté de Trois-Rivières. Moi, je suis revenu depuis 2009, puis comment dire, man, stimuler la jeunesse là, ouais. Pis la culture là, c'est vraiment tough, hein? Faut se rappeler qu'on est la deuxième plus vieille ville en termes d'âge médian au Canada. Puis pourtant on a un bassin de jeunesse qui est à l'UQTR, mais ils sont tous là chillés sur Netflix toute ouais, la soirée, c'est ça. Ça et fouille-moi ou à la chasse-galerie en train de péter des vitres. C'est peut-être mais fouille-moi et ça me sidère. Il faudrait que quelqu'un se penche là-dessus vraiment parce que c'est une source incroyable qu'on n'exploite pas, mais il y a une jeunesse ici. Fais un bac là-dessus avec pas. Une recherche sur la jeunesse. Ouais. Honnêtement, faut que si quelqu'un écoute qui étudie en com ou en socio, ouais. Je sais pas quoi, faites-le. Mais cette jeunesse-là est pas connectée sur le reste de la ville et vice-versa. Et ça, c'est un problème insondable. Et c'est tellement poche parce que même nous, au long week-end, on a de la misère à les atteindre. Ah, même chose à la radio, au journal aussi. C'est difficile de trouver des émissions à la radio. Et les gens, ils ont juste envie de rien foutre. Mais honnêtement, moi je pense que c'est de notre ressort de trouver un moyen d'être sexy puis d'être engageant envers ce monde-là. Ouais, moi je me rappelle quand j'étais à l'UQTR, j'étais impliqué à l'UQTR, mais honnêtement j'étais dans la bulle campus. La bulle campus, puis je me rendais pas compte de la beauté que cette ville-là réserve, puis de toutes les petites initiatives underground puis du monde fucking allumés qui sont là. Puis pourtant, j'étais un curieux, tu sais. Fait que je pense pas que ce soit nécessairement la faute de ces gens-là, mais plus comment y a-t-il une structure existante pour faciliter des rapprochements entre ce public étudiant-là puis les forces vives de cette ville-là. En tout cas, nous, on se penche là-dessus avec notre petit bonhomme de chemin, nos petits événements, nos petites activités, mais bon... On fait ce qu'on peut, tu sais. On fait ce qu'on peut. On n'a pas le choix. Mais encore là, cri du cœur! Que je fais ce matin, mais voilà, vous êtes tous beaux et valez tous la peine et venez au long week-end du cours. Il est fin, hein? C'est Alex aussi. Il est tellement gentil. Il est enfin. Non, c'est vrai! Il nous manque assez fou, il devrait reprendre l'émission. Vous êtes fou. On est fou, hein? Ah non, mais ça allait pas bien. À la fin, j'étais avec Simon Belrose, on faisait des coups de téléphone, là. Ça marchait plus. En tout cas, je lance l'idée, là, mais un jour, à un moment donné, on aimerait ça te revoir, ce serait le fun. Vous êtes très gentil. Très bien. Merci beaucoup. Bon. Merci. Long week-end du cours, c'est les 22, 23 et 24, donc vendredi, samedi et dimanche, au Tapis Rouge et ailleurs, Café Frida, Atelier Silex. Yes. Longweekendducours.com, page Facebook, Long week-end du cours, Alex Dosti, organisateur. Manigance. Saltimbanque. Saltimbanque du court-métrage. Merci Alex Dossier. Merci à vous. Est-ce que t'as une pièce, dans le temps que tu jouais la bulle, puis dans le trafic, t'as une pièce qui t'a marqué, là, mettons? Yo, ma première introduction, c'était Crabe des Goules. Ah, bon, on écoute ça, tout, c'est génial. Oh, c'est tellement gentil. Quelle bonne suggestion. Les Goules, Crabe, Assemblage requis, puis après ça, ben, on continue avec d'autres niaiseries. Nous autres aussi, on fait ça, des niaiseries. Oui. Ça, ouais. Fort. J'étais couché là dans le sable, la matinée est belle et bronzée. Et puis là, dans mon bas, je l'ai vu et me suis dit, ah, il est beau, le carapace, il a des pattes qui s'étirent et de grands yeux d'or. Demandez-moi, et les mecs que j'en ai fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai pris, ramené chez moi, puis là, je l'ai montré, puis j'ai été enchanté, enchanté. Dans mes loisirs, je les vestons. J'ai appris des tours, des fais-y le beau. Fais-y le beau. Sur ses feuilles, c'est caille, caille, caille. Camisole peinturée en jaune et en bleu. C'était le plus beau des crabeux. Tellement de ciel de dame, il le gardait dans ma poche. Je voulais pas le montrer, mais tu sais, c'est quand je recevais des invités. C'était plus fort, je le sortais et criais enchanté, enchanté. Septembre 2017, elle est Tania Baudin. Mathieu Blanc aussi est là. Absolument. Tantôt, on a reçu Alex Dosti du long week-end du cours. Ouais. C'était super le fun. On a passé un bon bout de temps ensemble. Bien du plaisir. Il nous a révélé à la fin, en s'en allant, qu'il avait pour vous, les auditeurs d'Assemblage Requis et de C'est Fou, une paire de billets à faire tirer pour le long week-end du cours. Yeah! Oui! Comment est-ce que les gens font pour avoir leur paire de billets? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Ils nous appellent. Au 819-376-5183, 819-376-5183. Sinon, ils écrivent à Cifou ou à Assemblage Requis sur Facebook. Un petit message privé, Tania va recevoir ça. Oui, on va vous mettre en contact. Allez-y sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Ouais. Donc, il suffit d'aimer la page d'Assemblage Requis pour justement pouvoir envoyer un message. Et répondez à la question, quelle est la chanson qu'on va faire jouer là, là? Oh, ce sera une pièce de Les Michel avec Tôle Froide. Les Michel, Tôle Froide. Page Facebook, sinon 819-376-5183. Moi, je prends vos appels là, là, pendant que tu regardes le Facebook. C'est ici que ça se passe. C'est beau, ça. C'est fou. Froide avec les Michel. On vous rappelle que c'est possible de gagner une paire de billets pour le long week-end du cours qui a lieu de vendredi à dimanche, donc du 22 au 24. Mm-hmm. Et Mathieu, quel est le numéro si on veut se procurer ces beaux petits billets? C'est le 819-376-5183. 819-376-5183. Sinon, écrivez-nous sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et si vous trouvez pas ça, ben allez-y sur la page de C'est fou. C'est comme vous voulez, tout va se rendre au même endroit, mais on priorise pour les gens qui nous écoutent sur Facebook la page d'Assemblage Requis parce que c'est là qu'on est tout le temps, disons. Exactement. C'est notre petit spot de hangout. Tout à fait. Voilà, donc maintenant, c'est le moment au crime. J'entends à travers la vitre cassée de la porte du studio, l'animateur des Palmarès Cifous. On va lui parler pour voir ce qui s'en vient aujourd'hui au Palmarès. Merci Mathieu. Aujourd'hui au Palmarès Cifous, ce sera la portion top 5. On entendra les positions 5 à 1 avec entre autres Canaille, Daisy et White Horse. Et on saura si les Michel et Queens of the Stone Age sont toujours au sommet. Les Palmarès Cifous aujourd'hui et du lundi au jeudi de midi à 13h, édition week-end samedi dès midi. Et c'est ce qui s'en vient au Palmarès C'est fou plus tard aujourd'hui. Maintenant, c'est une grosse pointe en dresse. Une grosse bonne adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte habituellement un produit du tiroir, mais cette fois-ci, comme on a vraiment très peu de temps aujourd'hui, en fait, on est bousculé par 1000 événements, 1000 invités en même temps, donc j'ai choisi de vous faire un petit spécial spotel comme je le fais une fois par mois environ, là, une petite chronique où on se faufile des produits variés, bien sûr, qu'on peut se procurer à travers le monde. Commençons par les États-Unis, bien sûr, avec un petit spotel, les Nestlé Toll House. Tu connais les biscuits Nestlé avec le chocolat Nestlé Toll House. Édition Cookie of the Year, c'est Chocolate Fudge Pretzel Cookie Dough. Donc, on a mélangé chocolat, fudge, bretzel et pâte à biscuits. My God. Avec des morceaux de chocolat 100% réels. Donc, leur biscuit de l'année. C'est la continuité de leur biscuit de l'année en 2013, 14, 15 et 16. Donc, ça, c'est le 2017. C'est pas un peu trop? C'est beaucoup de choses en même temps. J'avoue que, tu sais, on dirait qu'il manquait d'idées. Là. Au niveau du goût, là, ça doit être bizarre dans ta bouche un petit peu, non? Tout en même temps, bon. Ouais. Bref. Donc, c'est leur biscuit de l'année. Ensuite, un autre spotted, évidemment, ça, c'est les nombreuses pages où il y a 1000 affaires en même temps et que je dois chercher pour me rappeler c'était lequel que je voulais vous montrer. Colin, qu'est-ce qu'il y avait? C'était... Un petit peu. Je le cherche. Ça devait être le Jell-O au caramel fait avec de la vraie vanille. Donc, le Simply Good Caramel, c'est donc du Jell-O. Simply Good dans le sens qu'il essaie de faire un Jell-O. On s'entend, du Jell-O, c'est pas bon pour la santé. Mais plus naturel, donc avec saveur naturelle et autre saveur naturelle. Je sais pas comment tu fais pour dire natural flavor with other natural flavored. Donc, saveur naturelle avec autre saveur naturelle. Étrange. Mais c'est très étrange. Pas de saveur artificielle, pas d'agent de conservation, des trucs comme ça. Il y a aussi mangue et fruits de la passion. Absolument, qui a l'air très bon aussi. Évidemment, l'automne qui commence veut dire les trucs à la citrouille. Donc, les Werther's Original Pumpkin Spice, des caramels mous à la citrouille épicée. Ah, je suis pas certaine. Non, moi, j'y goûterais, c'est clair. Ah ouais? Juste un petit peu de citrouille, pas trop. Ensuite, celui-là est vraiment bizarre, c'est chez Walmart, les produits Great Value. Tu sais, des cornichons, c'est cool. Sauf que là, c'est des cornichons à saveur de punch aux fruits. Urk! C'est vendu dans le sud des États-Unis. Apparemment, c'est une mode là-bas qui font mariner leur cornichon dans un petit peu comme le ketchup aux fruits, comme on appelle un les peu, fois. Ouais. Donc, ça s'appelle les Tropicals. Mais c'est un jeu de mots avec pickles. Hein? C'est, ouais, mais c'est des. Ouais, cornichons à saveur de punch aux fruits. Je n'essaierai même pas. Non, ça, je suis pas sûr. Ensuite, un autre spotter ici, c'est des barres de chocolat qui s'appellent Food Fight. En fait, c'est des combinaisons bizarres de chocolat, si on veut. Ouais. Ouais, donc, par exemple, bon, on va commencer par le facile et le meilleur. Beurre d'arachide et confiture, bon. C'est correct, ça fit. Ça va très bien. Ensuite, Muchacho Taco, qui est chocolat et tortilla croustillant. Okay. Okay. Et t'as Funky Fry and Killer Ketchup. Donc ça, c'est du chocolat au lait avec, j'imagine, le salé de la frite et du ketchup, j'imagine. Arc. J'imagine. Non, tu vois, celle-là, moi, je ne sais pas. C'est vraiment une barre de chocolat au ketchup et aux frites, pour vrai, là. C'est même pas des blagues. C'est dégoûtant. Ça a l'air bizarre. Mais... Ensuite, le candy corn. Tu connais le candy corn? C'est les petits bonbons en genre de triangle, cône, si on... Je pense que c'est plus cône. Ouais, cône. Ouais, orange, jaune et blanc. Là. Exactement. Donc maintenant, on a du candy corn, mais à saveur de biscuits. Oh, d'accord. Cookie candy corn. Donc, c'est vraiment du candy corn à saveur de biscuits, non pas les biscuits à saveur de candy corn. Là, la confusion est quand même facile à faire. Voilà. Il y a des biscuits qui goûtent le candy corn, ça existe, mais ça, c'est des candy corn qui goûtent les biscuits. On se comprend? Mm-hmm. Ensuite, allons-y avec notre prochain ici, une autre liste de spotted ici, de la nourriture congelée. Et lequel est-ce que je voulais vous présenter déjà? C'était pas les wontons, c'était pas le fiesta. Ah oui, c'est ça. C'était les naked potato skins. Oh non! Tu sais, quand tu fais des patates au four, tu peux aussi te faire juste des pelures de patates au four, tu mets du fromage nature dedans. Pourquoi pas les acheter directement déjà faites, juste les tranches de patates. Oh mon juste, Dieu! Juste la croûte. Ah non, mais quelle perte de genre tout ce qu'il y a à l'intérieur de la patate. J'imagine que la compagnie doit servir des patates dans d'autres produits. J'espère. Pour faire, c'est la compagnie Kroger aux États-Unis. Donc, Naked Potato Skins sont prêtes à garnir. C'est même marqué en lettres attachées. Ready to finish, prêtes à garnir. Donc, vous mettez vos jalapenos, votre fromage, peu importe, votre crème sure dessus et vous en profitez. Comme wow. Ensuite, c'était quoi celui-là? Ah, ça a l'air vraiment bon. C'est du chocolat au lait à saveur de caramel et cornet gaufré. Ouh, miam. Tu sais, cornet gaufré, là, c'est super bon dans avec la crème glacée. Donc, c'est du chocolat à ça. Donc, j'imagine avec des petits morceaux croustillants. Ça dit, c'est leur chocolat traditionnel avec du caramel, du beurre, de la vanille et quelques miettes de cornet gaufré. Ils ont aussi la même compagnie, Kraft. Non, c'est pas. C'est quoi le nom de la compagnie? Ils sont pas forts pour mettre leur logo très gros, hein. Je vois même pas le nom de la compagnie. Chocolate Kraft Chocolate Bars. Bref, ils ont des numéros. La numéro 7, c'était celle au cornet. La numéro 6 est caramel, miel et mûre. Et t'as une autre, le numéro 8, c'est Peanut Butter Banana. Je pense que ce serait mon préféré. J'ai toujours adoré banane et chocolat. Ensuite, est-ce que c'était la dernière affaire qu'il y avait sur cette page-là? J'ai fermé mon onglet. Oui. Ouais, okay. L'autre, ensuite, on avait... oui. Oh mon Dieu! Oui. Ceux qui aiment les garnitures pour gâteaux, le glaçage pour gâteaux, oui, mais qui veulent pas avoir à le faire eux-mêmes et le mettre dans leur propre petit distributeur, tu sais, leur petit... pas pipette, là, mais mm-hmm, le truc que tu compresses pour faire du glaçage sur un gâteau. Pillsbury sort aux États-Unis un filled pastry bag. Donc, c'est vraiment un sac de plastique avec du glaçage dedans et un petit embout pour faire des formes. Mets tout ça dans l'emballage. Donc, t'as pas besoin de te casser la tête à aller te chercher ton distributeur de glaçage. Ça vient avec dans la boîte. C'est bizarre, hein? Filled mm-hmm pastry bag, il l'a à la vanille et fudge au chocolat. Wow! Ensuite de ça, ok, mais on est passé, ça va vite cette histoire-là, il y en avait pas mal, on en a déjà fait 10, il va falloir que je m'en ouvre d'autres, attends un peu, tu me donnes 2 secondes, puis je vais faire ça, là. Youpripoup, manipulation du clavier, comme tel un ninja. Le prochain, on était rendu à des chips cuites dans oui la marmite. Oui. Hein? Version Nouvelle-Angleterre, donc à la bisque. Oh, d'accord. Des chips à la bisque. Je suis pas certaine si ça serait bon. New England bisque, je sais pas, moi je pense que oui, avec un petit goût de crabe. Ouais. Ça pourrait être pas mal bon. En plus, Cape Cod, on s'entend que leurs chips sont vraiment excellentes. Hein? Oui, ça, c'est vrai. Ensuite, un autre spotted ici pour les Reese's Dipped Pretzels. Donc, tu connais les mélanges mélangés de Reese's, de Hershey, etc., avec des biscuits dedans. Ici, c'est une seule chose dans leur sac, mais c'est des bretzels Snyder's mm-hmm avec du chocolat autour. Donc, c'est un peu comme avoir plusieurs affaires dans le même sac, mais dans un seul article. Donc, t'as un bretzel entouré, par exemple, de chocolat au lait Hershey's. Mm-hmm. T'as du bretzel enveloppé de chocolat avec du beurre d'arachide, Reese's. Et t'as l'autre qui est cookies and cream, donc biscuit crème, autour de bretzel. Ça a l'air vraiment super bon, ça, j'adore ça. Ensuite, on a des churros à la cannelle dans des barres de chocolat. Mmh. Donc, du chocolat au lait avec cannelle et vanille, glaçage à la saveur de churro. Et ils ont aussi la même compagnie, des versions Hammond's Fortune Cookie. Donc, c'est du chocolat noir avec des morceaux de Fortune Cookie, des biscuits de biscuits chinois, voilà, à l'intérieur. Et le dernier, c'est le Hammond's Midnight Snack. C'est du chocolat au lait avec bretzel, biscuits, du brittle, c'est comme de l'écorce à l'érable, et des guimauves et des céréales à l'intérieur de la même barre. Continuons avec, j'en mets beaucoup trop dans mes affaires. Je me demande c'est lequel, encore une fois, que je vais vous dire. Je pense que celui-là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, finalement. Je vais sauter au prochain, ça ne te dérange pas. Les Skittles Long Lost Lime. Mm-hmm. Donc, c'est des Skittles à la menthe. Pas à la menthe, pardon. Pardon, c'est au... ouais, c'était à la lime. OK. Skittles à la lime, édition limitée. Long Lost Lime, pourquoi pas. Des Skittles à la lime, ça n'existait pas avant, apparemment. Ensuite, on retourne chez Walmart avec les produits Great Value. Cette fois-ci, c'est une tartinade pour votre rôti, votre pain, peu importe, même comme trempette, même le prendre directement au couteau ou à cuillère dans le pot. C'est une tartinade biscuit Graham et guimauve. OK. Donc, cream swirl, donc c'est vraiment une espèce de torsade à l'intérieur et ça va très bien sur à peu près n'importe quoi. Biscuit Graham et guimauve, j'aurais pensé qu'il aurait pu rajouter un petit peu de chocolat pour faire s'mores et appeler ça s'mores, mais j'imagine qu'il y avait déjà le s'mores. Donc ici, c'est juste le biscuit Graham et les guimauves. Ça me fait penser à le film Mathilda, je sais pas si t'as déjà vu ce film-là, la jeune fille qui est une sorcière. Ouais. Vendeuse de punch, oh, ça arrive au milieu du film. Elle se fait une tartine à un moment donné, puis... C'est, on dirait que c'est ça qu'elle prend dans le pot. Ouais. C'était peut-être ça. Peut-être ce genre de choses-là, absolument. L'eau Perrier, plein de saveurs. Elles sont pas toutes nécessairement bonnes. Celle à l'orange goûte quasiment rien. Ils en sortent une au melon d'eau. Ouh! Au Perrier au melon d'eau, ça me tente vraiment beaucoup. C'est une de mes saveurs préférées. Ensuite, le sirop Hershey. Tu connais en bouteille le sirop Hershey qu'on met sur de la crème glacée, entre autres. Ben oui. Eh bien, ils ont changé leur format. Il s'est rendu en poche. Avec un bouchon, donc c'est une poche, vraiment comme le détergent à lessive. Sauf que, pour que les gens le reconnaissent, ils ont fait l'image et la forme d'une bouteille sur l'avant. C'est drôle. C'est vraiment bizarre, c'est leur nouvel emballage, donc voilà. Ça doit être meilleur pour l'environnement. Probablement. Ensuite, les Ruffles au Philly cheesesteak. Steak et fromage à Subway. Et l'autre, Jalapeno Ranch aux États-Unis. Je suis pas certaine de ça. Ça a l'air, je trouve, vraiment très, très bon. Ça date de cet été aux États-Unis. Et pour terminer, cuite à la marmite, à l'huile d'avocat, version... Salsa tropicale avec sel infusé à mangue. Oh donc, boy. C'est la marque Kettle qu'on connaît, Kettle Brand. Chips croustilles cuites dans l'huile d'avocat, mais à la saveur de salsa tropicale et de mangue. Ça a l'air bon. Ils ont aussi une version spicy queso, donc la salsa au fromage qu'on connaît tous. Ça doit être bon. Spicy queso. J'ai bien hâte de voir ça arriver un jour dans nos magasins. Voilà, c'est pour une grosse pointe à l'adresse. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui aussi. On se retrouve demain entre 7h et 10h pour l'édition Meilleur Moment, l'édition Week-end d'Assemblage Requis. Manquez pas ça. Ça rejoue aussi les dimanches à 15h. On l'a pas dit encore, mais l'édition Week-end vendredi matin entre 7h et 10h. Diffusion dimanche à 15h. Nous, on va être de retour pour les Palmarès C'est Fou à partir de midi. Tania et moi. Oui. L'édition Top 5 aujourd'hui. Ça, les Palmarès C'est Fou, ça rejoue en édition Week-end les samedis à partir de midi. Sinon, moi, je vais être en reprise après les Palmarès C'est Fou pour le Mathieu Plante Show. Et puis à 19h ce soir, c'est très blues assez fou, l'émission de Denis Baudin qui s'en vient, oui. Du blues, plein de choses. Ils vont être en direct de nos studios ici même à Trois-Rivières. Donc ça va être super bon à partir de 19h jusqu'à 22h. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Merci Tania. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à Alex Dosti. Merci à Catherine Langlois. Catherine Langlois, Alassania Couilly, François Gagné qui était là aussi pour nous parler d'improvision. Merci à vous les auditeurs, les fameux petits requins d'avoir écouté. On se retrouve demain, 7h. Bye tout le monde. Bye. Bon café. Oui.